been my story, it's never switched up. And I never kissed up, so f*** the world, and I got my trust. Try to say I'm too wild, did my own thing, so f*** the cool crowd. Late nights with the music too loud, I made it this far, and the monster's too proud. So if you don't like me, cause I'm an arrow, I might be. I was raised in the land of hyphy, the world a little different as far as I see. I'm doing me, don't mind me, only one time I'ma tell you kindly. Please f*** off, I don't need you by me, but if you search, then you know where to find me. Don't wanna hang around the in crowd, the cool kids aren't cool to me. They're not cooler than we are. We brought our drum and this is how we dance. No mistaking, we make our breaks. If you don't like our 808s, leave us alone, cause we don't need your policies. We have no apologies for being. Find me where the wild is. Oh my, alright. Don't mind us. Find me where the wild is. Oh my, just find me. Don't mind us. Find me where the wild. Bienvenue sur Fun Radio, il est 17h. Dans un instant, on va sur le son Dimitri Vegas et Like Mike. Mais juste avant, on s'informe avec Carlo Morello. Bonjour Carlo. Hello Audrey, salut à tous. C'est 1 et 2 et 3 et 4-0. Les Diables Rouges n'ont pas fait dans le détail hier soir face à la Hongrie en 8e de finale de l'Euro 2016. Et ce n'est sans doute pas un hasard si cette belle performance a été rendue possible grâce à un joueur qui a livré une prestation 4 étoiles ce dimanche, inscrivant même un but d'anthologie. Joueur paradoxalement prénommé Eden. Paradoxal parce qu'Eden, bah, ça évoque quand même le paradis. A priori, pas l'endroit idéal pour les Diables. Hein. Bref, la Belgique nous a donc pleinement rassurés. Elle monte en puissance, hein, c'est clair. Alors si on oublie le match inaugural face à l'Italie, bah, y a pas de quoi se plaindre hein, depuis le début du tournoi. 3 victoires d'affilée, 7 buts inscrits, aucun encaissé. Il faudrait vraiment être très difficile pour faire la fine bouche. La presse étrangère, elle, ne la fait pas, et notamment la Gazzetta dello Sport. Le quotidien italien se demande aujourd'hui qui va bien pouvoir arrêter nos Diables. Il faut espérer que la réponse n'est pas Gareth Bale, puisque c'est le Pays de Galles que nous allons rencontrer en quart vendredi à Lille. On se souvient qu'en phase de qualif, la Belgique n'avait pu prendre qu'un point sur 6 face aux Gallois. Mais bon, ça veut strictement rien dire, hein, vu ce qu'ils ont montré hier. Les Diables Rouges devraient nous tenir en haleine quelques jours de plus dans cet Euro. Cela dit, les performances de nos joueurs n'empêchent pas certains responsables politiques de s'intéresser à d'autres sujets. Les écolos, par exemple, n'oublient pas les problèmes posés par le nucléaire. Et c'est ainsi que vient une question parlementaire posée par le groupe des Verts à la ministre de l'Énergie. On apprend que bientôt, il n'y aura plus assez d'espace pour entreposer les déchets radioactifs. Jusqu'en 2025, ça devrait aller. Mais après, il va falloir que de nouvelles installations aient été mises en place, ce qui est prévu. On note tout de même que ce qui est prévu aussi en 2025, bah, c'est le nucléaire exit, donc la sortie de la Belgique du nucléaire. Le député écolo Jean-Marc Nollet se demande pendant combien d'années après cette date, cette tonne d'uranium se trouveront encore sur ces sites. Et puis pendant combien d'années encore, les djihadistes de Daesh pollueront-ils la planète par leur présence? Impossible à dire, hein, même s'ils ont tendance à perdre du terrain en Syrie comme en Irak. L'Irak où la ville de Fallujah vient d'être libérée par l'armée après une opération de plus d'un mois. Les forces irakiennes vont à présent tenter de faire la même chose à Mossoul, qui est la dernière place forte de l'État islamique dans le pays. Daesh est donc également sur la défensive en Syrie. Et puis en Libye, nos extrémistes ont des soucis également, puisqu'ils sont en passe de perdre leur bastion de Sirte. A noter enfin que Daesh est également actif au Liban, où il s'est rendu coupable ce matin de plusieurs attentats suicides dans un village à majorité chrétienne. Attentats qui ont fait 5 morts et 15 blessés près de la frontière avec la Syrie. Fun Radio. La suite du son Dance Floor, c'est avec les meilleurs DJ au monde et en plus ils sont belges. On vous a calé Dimitri Vegas et Like Mike, ça sera juste après la météo Carlo. Bah demain comme aujourd'hui, hein, moins de 20 degrés avec un ciel toujours nuageux et quelques petites averses. Voilà, prochain rendez-vous info dans une heure. Je vous laisse en compagnie d'Audrey et du son de Dimitri Vegas et Like Mike. Salut. Fun Radio. Fun Radio. Voilà, c'est énorme. Fun Radio. Are you ready? Rejoignez tous les millions de fans de Fun Radio. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Le son Dance Floor. Toute la journée, partout. Suivez Fun Radio. Le son Dance Floor. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. De la voiture. Vous êtes bloqué dans les embouteillages. Pas de panique. Branchez-vous sur Fun Radio. Fun. L'Happy Hour avec Audrey. Ça commence maintenant sur Fun Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Fun Radio. Ça fait plaisir de vous retrouver. Il y a toute l'équipe de l'Happy Hour qui est là. On est en forme, ouais, les copains. Et ouais, et on n'est pas en Belgique alors. Petite émission exceptionnelle cette semaine puisqu'on est en direct en fait du club Bellambra de Seignos au Ségor, s'il vous plaît. Voilà, du club Bellambra les Touquets, c'est juste énorme. Ici, on a une de ces chances de fou. On est parti avec des auditeurs qui ont eu la chance de remporter leur voyage avec nous. Il y a piscine, il y a la mer à 100 mètres. Je sais pas si c'est une chance pour les auditeurs de nous supporter pendant une semaine. Bon, comment ça? Bah déjà, ils vont être obligés de nous voir en maillot de bain. C'est bah, c'est pas fait, très ça, agréable déjà. Ouais. Et puis ils vont pouvoir supporter nos vannes pourries toute la journée, tout le temps. Surtout qu'en plus de ça, ce qui est cool, c'est que j'ai pu découvrir beaucoup de choses sur mon équipe que je ne connaissais pas encore. Puisque ah bon bah, effectivement ils viennent pas à poil au studio. Donc je ne connaissais pas leur anatomie sous cet angle là. Et j'ai découvert notamment que Fab... Non, t'avais promis que tu disais rien. Mais tu es le monstre à parler, tu le dis quand même. Tu vas briser je une t'aime. Année de travail. Je t'aime, Fab. Non, retiens juste cette chose. J'ai découvert en gros que Fab avait le deuxième. Vous voyez le. Comment ça s'appelle ça? Mais le deuxième orteil. Enfin bref, l'orteil à côté du gros orteil, à d'accord côté du pouce du pied. Voilà, du pouce du pied, mais qui était genre plus long que le pouce du pied. Oui, c'est un signe d'intelligence. Oh là là là là. C'est, pardon. Ça aussi le pied grec. Le c'est pied les grec. Pieds grecs. Donc quand t'as le deuxième orteil plus long, ouais. C'est les personnes un peu plus intelligentes quand c'est ça. Cela, oui. Si on en parle, toi, de tes petits doigts de pied boudinés, je me demande comment tu peux marcher avec ça d'ailleurs. C'est parce qu'il n'y a pas que les petits doigts de pied qui sont boudinés. Toi, ton pied, c'est un Mickey Burger, et puis au fond, t'as deux petites ciseaux de la qui tiennent, c'est les orteils. C'est horrible, c'est pas cool. Bon, et le Sandro, il est en forme, il est bronzé, il est de toute beauté. Ouais, pour le moment, ça va, je commence à bronzer, mais j'ai quand même peur de rougir. Hein. Mais c'est trop tard, ça s'est fait, hein. Je t'explique, mais non, bon, c'est pas grave. Mais hein. T'as bien vu l'auditrice qui est venue avec nous. Oh là là, c'est une écrevisse. Ah, hein. C'est-à-dire que là, ouais, c'est plus une auditrice, c'est une écrevisse sur pattes, quoi. Elle a le maillot des diables sur le corps. C'est ouf, ouais. Elle est prête pour le prochain match des diables. Il y a Alison aussi qui est venue nous accompagner. Coucou, ça va, tous. Alison. Ça va, vous. Ouais, t'es en forme. Il y a Kéké. Comment elle prend une voix? Ça va, et vous? Ça va, bon, ça. Ouais, trop bien, je fais de la radio, je mets la pète. Salut, moi, c'est Alison, quoi. Il y a Kéké du standard aussi qui n'est pas au standard. Bah non, mais je suis là quand même. Puisqu'on n'a pas de standard ici, en fait. On est limite en terrasse. C'est vraiment ça. Franchement, j'ai pas envie qu'on revienne à Bruxelles, quoi, tu vois. C'est du soleil ici. Moi, j'avais plus. Ma peau, elle avait plus vu le soleil depuis 1994. Bon, et du coup, comme on est à distance, il fait comment en Belgique, les copains? Dites-nous 30-44 pour vos messages. Il paraît que c'est pas top, hein, et que c'est pas fameux. Fait, j'espère qu'il pleut parce comment que. Comment ça, vois... bien fait? C'est pas cool. Et pense à tous les auditeurs qui, eux, n'ont pas eu la chance qu'on a, qui sont restés en Belgique et qui galèrent. Hein, Non, mais on a tous ce moment où tu pars en vacances et tu dis, bon, je vais faire un peu rager mes amis. Nous, moi, je vais avoir du soleil. Et puis au final, chez eux, il fait super beau. Donc, ouais. Du coup, tu pars au soleil. Et pour là, pour le coup, ça se trouve, il fait beau aussi en Belgique. Hein. Dites-nous comment il fait là. 30-44 pour vos messages. On va se faire le son de Italo Brothers dans un instant. Et juste avant, c'est parti. C'est Iris Trefi sur Fun. Снимусь на курсе. se ta kiš. Vom drugu će mam u kore priše priš. Ja mun si, ja ma ane. Se kur v topni her, ja ma no can day. Fun Radio. Le son Dance Floor. Welcome to the dance floor. Show me that you want more. Let the music take you there. We breathe those freaking noises. Show the world our voices. Live the moment here right now. Oh, can you feel it? La suite du son, c'est avec David Guetta que ça se passe. C'est l'hymne officiel de l'Euro 2016. Il y a un gros match ce soir, non? Ouais, tais-toi, arrête. C'est ah pas drôle. Attends, c'est quoi? Arrête, c'est pas drôle. Il y a quoi comme match, le petit Fab? Espagne. Eh ben voilà, qui c'est qui va se faire fracasser? Mais c'est pas dit, je pourrais pas voir le match, quoi. Je suis dégoûté. Ah oui, ça fait partie des grandes négociations que Fab essaye de faire avec moi depuis ce matin. C'est-à-dire qu'on est ici en direct du club Bellambra de Seignos, donc dans le sud de la France. On est en direct de l'émission, évidemment, ici, 17h à 20h. Pas de chance, le match tombe à quelle heure? À 18h. Oh, bah tiens, dommage! Tu pourras ça pas aller. Toi, t'es content parce que vous savez que vous êtes qualifié 4-0 hier, bravo! Oh là là, mais quel match de fou avec les Belges hier, sérieux! Ça s'appelle faire du foot. Oh là là, ça s'appelle le talent, ça, monsieur. Ouais, voilà comment ça s'appelle. Et bah, du coup, Fab, aujourd'hui, tu vas supporter ta petite équipe. Bah ouais, ouais, moi tu penses vraiment, sincèrement, que vous avez une chance face aux Espagnols? Bah, j'étais pas déjà persuadé que vous ayez une chance face à la Hongrie, donc je me dis que. Une vanne ou quoi, vu que mes pronostics sont faux, il y a moyen qu'on se ramasse, quoi. Mais moi, je pense sincèrement que vous allez vous faire ramasser. Désolé, mais. Toi, tu souhaites, sincèrement. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai parce que j'aime bien. Les Italiens sont mes amis, je les aime bien. Mais quand même que ça me ferait plaisir que les Espagnols gagnent. Je trouve qu'ils méritent, c'est une bonne équipe, non? Oui, bien sûr. Oui, non? Allez, Fab. En plus, moi, je vais tout seul ce soir ici, il y aura personne pour me conforter si je perds. Moi, si, t'inquiète pas. On va trouver un. On va trouver une petite vacancière qui traîne, là, t'arrêtes pas de les mater. De toute façon. On fait un petit big up à Julie, la copine de Fab. Mais deux trucs méchants en moins de deux minutes. Mais pourquoi? D'ailleurs, regarde, il y a un auditeur qui prend ta défense au 30-44 parce que je vous annonce. annoncé officiellement devant toute la Belgique entière que Fab avait le deuxième petit orteil plus grand que le pouce du pied. Et un auditeur qui dit mais franchement arrêtez de vous moquer des pieds, c'est dégueulasse, c'est pas cool pour c'est Fab vrai, c'est vrai que les pieds c'est dégueulasse. Mais en plus c'est vrai que tu détestes les pieds toi, tu fais, tu fais une fixation là-dessus. Les pieds, les nains, c'est deux trucs que j'ai du mal. Ah ouais, il est pas normal ce mec. Toi Sandro, y a rien qui foire ou comment ça se passe? Bah aussi un peu tout qui foire un chez peu moi. Tout. Ouais, c'est oh ça, c'est problème. Mignon, mais non t'es parfait. Bon du coup on me dit quoi par SMS? Il fait pourri ici, profitez du soleil, c'est Julien, on te fait des gros bisous mon Julien. Il y a Val qui dit bon on va essayer, c'est pas gagné les gars. Sur la vanne en fait, quand tu pars en vacances on te fait toujours la vanne. Eh ramène le soleil. C'est ça quoi, t'imagines comme si tu pouvais vraiment le ramener. C'est à cet instant-là que tu souhaites que l'avion de l'autre s'écrase. Pourquoi t'essayes de bien parler Fab? Arrête de faire des jolies phrases. Laisse tomber, regarde après tu bugs, laisse tomber. Il y a Val qui nous dit restez bien là où vous êtes, il fait toujours aussi pourri à Bruxelles. Bisous à l'équipe. Il fait pas beau, bande de vénards. Ouais, c'est vrai qu'on a de la chance ici. En tout cas, il y a plein soleil, ciel bleu, les auditeurs sont partis avec nous, c'est de la fête tout le temps, ça n'arrête pas. D'ailleurs, ouais, il y a trop. Et tu peux aller dans l'eau sans avoir froid. Ouais. Et ça c'est un concept assez étrange. D'ailleurs, en parlant d'aller sous l'eau, on a un cadeau à vous filer là dans l'émission, je vous expliquerai tout ça juste après le son de David Guetta. Maintenant, c'est parti. Écoutez, ça s'est passé dans la libre antenne sur Fun Radio. Hey grand, vous rigolez de moi quoi? Vous rigolez de moi quoi? Faites pas contre blague! Faites pas contre blague! C'est la paix, ouais! Vous foutez la paix! Vous mettez en rogue! Hey, vous êtes combien là? Je crois que c'est marrant un peu l'histoire de Chapin là! Hey, j'ai compris tout de suite que c'est une blague! La vérité! Hey, c'est un con, quoi. La vérité, Tommy! T'arrêtes de m'appeler! Tous les soirs, dès 20h, c'est Libre Antenne avec Vince sur Fun Radio. Fun! Proximus présente Full Control. Parce que même ceux qui pensent gérer à mort... Il fête son anniversaire dans un karaoké. Ouais, je te préviens, moi je chante pas. Hein. Ah bah moi non plus. Abuse parfois un peu. Si on pouvait s'aimer pour toujours. Alors Proximus lance un nouvel abonnement GSM, Full Control. C'est tous les avantages d'un abonnement, mais sans jamais dépasser ton budget. Info sur proximus.be/full control. Proximus, infiniment proche. Quick! Oh, tu sais ce qu'il y a de nouveau chez Quick? Non. Un indice, ils sont bons et bien roulés. Déroulés. Ouais, enfin on dit des wraps. Ah oui, des wraps. Alors, il y en a un grand, poulet pané et cheddar sauce Giant. Ah, Giant comme le burger? Oui. Oh. Et un petit wrap sauce tomato sweet onion. On peut prendre les deux? Gourmande. Quick, le goût d'en faire plus. Quick! Crème solaire? Check. Enfant? Check. GPS. Je viens juste d'acheter le nouveau TomTom. Allons explorer toutes les routes d'Europe et ça sans frais de roaming. Oh, la route est à nous maintenant. Ah, je me sens comme un doubidou down. C'est magique, je sens déjà le vent souffler dans mes cheveux. Ok, je remonte la vitre. Tom Tom, prenez goût à la conduite prioritaire. Rendez-vous chez Krefel et découvrez la sensation Tom Tom avec l'infotrafic en temps réel. Faire des blagues avec Bernie? Ou des vagues avec Lolo? Vos enfants aussi peuvent se lâcher. Neckerman, vous êtes en vacances. Réservez maintenant votre last minute en famille dans un resort Sun Connect. Le son Dance Floor. Fun. C'est Fun Radio. Fun Radio. See, I just need privacy. Plus a whole lot of tree, fuck all this modesty. I just need space to do me, get a word what they're trying to see. A Stella Maxwell right beside of me. A Ferrari, I'm buying three. A closet of Saint Laurent, get what I want when I want. Cause this hunger is driving me, yeah. I just need to be alone. I just need to be at home. Understand what I'm speaking on. If time is money, I need a loan. But regardless, I'll always keep keeping on. Fuck fake friends. We don't take L's. We just make M's. While y'all follow, we just make trends. I'm right back to work when that break ends. Yeah. Ooh, it's just me, myself, and I. Solo ride until I die. Cause I got me for life. Got me for life. And I don't like talking to strangers, so get the fuck off me, I'm anxious.

nouveautés. New Music, découverte Fun Radio. Merci d'être sur Fun Radio. Dans un instant, on va vous dire comment faire pour repartir avec une enceinte complètement insubmersible. En gros, ça va dans l'eau, on vous explique ça après Madcon sur Fun. You know I've been around the world. Yeah. But nothing can beat the feel of you putting that thing to work. Like a 9 to 5. You got them sun-kissed eyes. Girl, you hotter than July. If I act a fool, it's because of you. You take me back in time. Feels like 1989. If I act a fool, it's because of you. How am I supposed to keep my cool? Et toi t'es pas content. Je prends sur moi quand tu prends les devants. Surtout, ça me rend fou. Tu fais ta princesse pour le style. Je me demande si t'es là pour ma maille. Je m'en fous. Et quand je te vois, je suis censé rester cool. T'es pas du genre à venir en taxi. Le chauffeur t'a déposé toi et ta beauté. Mat le tapis que je suis en train de te dérouler avec classe. Mais je n'ai pas le temps, car un minute tout s'efface comme Cendrillon. Si le courant passe, mon carrosse est devant, mais. Et je suis censé rester cool. So fresh and so clean. Try and get a vibe, but keep it low key. I said don't worry, the drinks is on me. How to keep cool when this chick is so real. Yeah, blown off the meter. Repeat to myself, keep cold when you meet her. Don't need to get drunk to talk, but with that juice in your truck. How am I supposed to keep my. C'était Madcon sur Fun Radio. On va enchaîner avec le son de Martin Solveig qui arrive dans quelques petites minutes sur Fun Radio. On va se faire aussi Major Lazer avec Boom. Bon, j'ai essayé de vous expliquer vite fait qu'on allait vous offrir une enceinte. Comment tu avais dit le mot? Non, mais c'était pas un submersible. En fait, je sais pas pourquoi j'ai été lâchée ce mot, ça veut rien dire du tout. Mais en gros, je voulais vous expliquer qu'on allait vous filer une enceinte Logitech, en fait, qui résiste à l'eau. C'est-à-dire que c'est une enceinte qui vous permet d'écouter de la musique, mais même quand vous êtes dans votre piscine. C'est genre si vous partez en vacances. Sous l'eau. Sous l'eau. Mais ça, c'est cool. C'est tu génial. Peux pas écouter longtemps du coup. Ah si. Alors, il y a un truc qui est super à faire, c'est vous vous mettez dans l'eau, vous faites la planche et vous mettez l'enceinte comme ça près des oreilles. Bien, et là c'est le pied, tu vois. Et t'es là, sûr ouais, tu t'es peux. Sûr, on risque pas une Claude François avec ça. Non. Une quoi, une Claude François? Une Claude François, non. Non, je crois pas, non. Okay. Non, c'est fait pour, hein, quand même. Ils ont pensé à tout, hein. C'est ça qui est cool. Hein. Bon, alors du coup, on s'est dit pour essayer de repartir avec votre enceinte Logitech, il va falloir essayer de deviner une chanson qu'on a chantée sous l'eau dans la piscine du club Bellambra, duquel on est en direct ici à Seignos. Alors, je vous préviens, ça ne donne rien du tout. Donc, si vous avez une idée de la réponse, vous envoyez Summer par SMS au 6322 avec la bonne réponse. Écoutez ça. Ah. Oh mon Dieu, bon, c'est chaud, quoi. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une idée dans l'équipe de la chanson que j'ai? Parce que c'est moi là qui m'y colle. Hein. Tout le monde dans l'équipe va le faire, mais voilà, Sandro. Petite question, est-ce que c'est une musique actuelle, la contente c'est sur pas Fun? Du tout une musique actuelle. Non, c'est un truc qu'on chantait plutôt quand on était petit. C'est plutôt une comptine comme ça, ouais, un truc du genre. Est-ce que c'est en fab. Français? Ouais, c'est en français, ouais, Sandro. Non, moi j'ai alors. Mais Fab, de toute façon, je sais même pas pourquoi je lui demande, parce que de toute façon, il a jamais d'idée. Donc voilà, Kéké du standard, toi, à ton avis, c'est quoi? Vraiment, c'est... aucune idée. Merci. Bon, bah finalement, laisse tomber. En fait, vraiment, personne n'a aucune idée du truc. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réécouter. Je vous donne un indice. C'est une comptine qu'on chantait quand on était petit, et c'est en français. Réécoute. Bah, c'est une comptine. Une comptine? Une comptine, pas une cantine. Oh là, ça me fatigue. Vas-y. Volonté et tout, t'inquiète. Allez, vas-y. Eh non, mais je donne tout, hein. Sérieusement, ça s'entend pas, mais franchement, j'ai failli m'étouffer dans ce truc. Ouais. J'ai reconnu un mot, mais la suite. Ce qu'on va faire, c'est que vous vous inscrivez, vous de l'autre côté de la radio, si vous essayez de repartir avec votre rôle. Voilà, c'est comme ça que ça se dit. C'est offert par MediaMarkt Runeuve. Donc allez-y, vous envoyez maintenant Summer par SMS au 6322 avec la bonne réponse. Bonne chance, tout le monde. Dans un instant, on va se faire le son de Major Lazer. Mais juste avant, c'est parti, c'est Martin Solveig sur Fun. Welcome, tout le monde. Avec Major Lazer que ça se passe comme prévu, avec Boom dans un instant. Il y aura aussi Calvin Harris avec Rihanna. Bon, on essaye de vous faire deviner depuis tout à l'heure une comptine pour enfants, c'est-à-dire qu'on a un chouette cadeau à vous offrir, surtout si vous êtes sur le point de partir en vacances. On vous offre une Hurole. En gros, c'est une enceinte Logitech. Non, je sais pas si je le dis bien, mais en gros, c'est une enceinte qui va vous permettre d'écouter de la musique, mais genre même si vous êtes sous l'eau. Et il y a moyen d'écouter l'émission sous l'eau ou pas? Ouais, par exemple, vous pouvez vous brancher sur Fun Radio, vous écoutez la Power dans votre piscine, tranquillou, voilà. Avec Audrey dans la piscine. Voilà, ouais, c'est un peu comme si je me baignais un peu avec vous. Ouais, c'est trop bien, ça. Heureusement que vous avez avez que le son et pas l'image. Hein. C'est pas cool, mais pourquoi tu dis ça? Quoique. Attends, et il a bavé tout à l'heure à la piscine, moi je vous ai bavé. Maillot. Si, je t'ai vu baver. Ouais, c'est mais ça va, les gars, je suis là, je suis dans la pièce, oui, hein, je vous entends. Nous interrompons pas. Il avait des boobs et il bavait, je l'ai vu moi. Et alors? Non, mais c'est vrai que j'avoue que mon bikini est un peu trop petit. Ce qui fait que, comme on dit, il y a du monde au balcon. Il y a pas que du monde. C'est une catastrophe. Bon, on peut réécouter la s'il vous plaît, la comptine, comme ça on voit s'il y a des réponses qui arrivent. Si vous avez une idée, vous envoyez Summer par SMS au 6322 avec le titre de la comptine qu'on cherche. On a évidemment, quand même pas de talent, hein. Non, mais tout ça a été réalisé sous l'eau, hein, désolé. Hein. Frère Jacques, non, c'est pas ça, non, c'est pas Frère Jacques. Ouais, je suis certaine. Oh. Bon, est-ce qu'on a quelqu'un qui est là qui va essayer de tenter sa chance? Bonjour, c'est quoi ton petit prénom? Ah, bah ça s'appelle Armand. Ardo, allô. Bah oui, bonjour. Ah, bah y'a personne. Si, y'a quelqu'un. Bah, je ne sais pas, parce que comme on est en direct du club Bellambra ici à Seignos, en fait on ne voit pas du tout ce qui se passe en studio. Donc c'est normal, un peu le suspense. La Grèce et la Belgique, c'est long quand même. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme comptine par exemple qu'on pourrait dire? Tu vois, je fais semblant de ne pas avoir entendu ce que tu viens de dire. Oh, c'est mauvais, c'est mauvais. Quoi, Seignos? Et attends, et moi j'étais déçu, je viens de capter maintenant qu'on n'est pas en Grèce. Ouais, mais c'est encore mieux que la Grèce, c'est ça qui coule. Ici on est à même pas 100 mètres de la plage quoi. Ouais, c'est génial, il y a la mer, il y a la piscine, il y a des cocktails de fou. Les gens sont super sympas, donc voilà, j'espère que vous de l'autre côté de la radio ça se passe bien aussi. Et que vous êtes peut-être sur le point aussi de partir bientôt en vacances, ça diminue la fin juin. Donc voilà, est-ce qu'on a quelqu'un? Non, voilà, on a quelqu'un, ouais. Allô, qui bonjour, est là? Bonjour, bonjour. On va jouer à l'énigme. On n'a pas d'amis en fait, hein. Voilà, c'est ça. Oui, ils nous boudent. Ils disent ok, vous êtes partis en déloc, et ben galérez les gars, tant pis. Allo, allo. Meuré, ouais, c'est ça. Ouais. Hey, c'est un pote à toi c'est, non, c'est meurt au pluriel. C'est nul. Je pense que l'auditeur nous fait la gueule en fait. Voilà. Bon, et ben, il veut pas repartir avec son numéro, tant pis pour lui. Ce qu'on va faire du coup, c'est que comme l'auditeur là il répond pas, et ben vous envoyez maintenant Summer par SMS au 6322 avec la comptine qu'on cherche. C'est du coup une comptine qu'on chantait quand on était petit. Qu'est-ce qu'on peut donner comme indice Je chantais pas quand j'étais petit, je peux pas. Oui, de toute façon, mais qu'est-ce qu'on peut donner? Attends, nanana. Ici, la mer, elle est très claire. Ouais, mais c'est nul comme indice. Allez-y, envoyez Summer par SMS au 6322 et on tire quelqu'un au sort. Juste après le son maintenant de Major Lazer sur Fun. C'est boom, welcome tout le monde. I met her at Playhouse. Oh, yeah. Bought 10 bottles, bought 10 more. 10 more. Told her move her ass to the tempo. Hey. Is you really with the shit though? Shit though. Really, is you really with the shit though? Shit though. We got champagne and vodka. Vodka. Goons will be if they need a pile of. Whoa. Fuck niggas, hate real niggas, get money. Get money. All motherfuckers dead. Baby, drop it to the ground like yes, bitch. Bitch. Back it up like yes, bitch. Yeah. After the club, I'm smashing. She a make bag of nice, me no even give a fuck. She a swan like a sign dollar where you a go do. Take a roadside, go smash it pan the avenue. Two of my bitches in the club. Me introduce them to each other. Other, other. Man a girl is, I'm in stanza forever. Yo, Le son d'Explore continue sur Fun Radio avec dans un instant Calvin Harris featuring Rihanna sur Fun. Je vous cale tout ça juste après les people dans la Happy Hour, c'est parti. Des paillettes, du glamour et fab. C'est l'actu people dans l'Happy Hour. Et bah ouais, même ici en direct du club Bellambra de Seignos, et ben on s'informe sur les people. Ah, j'ai le temps ici, je suis en transat, à la bord de la piscine. Ça va, toi aussi dans la vie. J'ai quand même une pensée pour tous les gens qui bossent, quoi. T'es quand même juste insupportable. Et bien, moi, chaque instant que je vois du soleil, je pense à vous qui êtes sous la pluie à Bruxelles. Ouais, bah je suis sûre, ils vont se venger. Bientôt, le soleil sera de retour. Et là, de toute façon, dites-moi un truc pour tous ceux qui écoutent l'émission, c'est que Fab, effectivement, fait le malin parce qu'il va faire beau, mais il va se faire fracasser de toute façon ce soir puisque les Italiens rencontre l'Espagne, ils vont perdre. Et donc, oui, Fab sera au soleil, mais Fab sera déprimé. Donc voilà, explique, je vous dis. L'Espagne. Et ouais, à 18h, c'est ça le match ? 17 minutes. Ah bah, qu'est-ce que ça fait d'avoir une raclée dans 18 minutes ? Tu stresses un peu ou pas ? Quoi ? Oui, je stresse à mort. Oui, parce que d'autant plus, tu veux pas que je vois le match. Ah oui, mais ça, c'est. Si t'avais des gens, tu m'aurais dit, Fab, prends ta journée. Mais je ne suis pas. Va voir le match et reviens après. Mais non, tu m'obliges à rester ici. Non, ça va pas être possible. Elle aurait fait si l'Italie nous aurait laissé gagner, tu vois. Et ouais, voilà, c'est comme ça. Vous avez pas bien calculé votre coup. Les gars. Bon, on se fait les people, il y a quoi au programme ? Il y en a une qui est gentille contrairement à toi. Ah, c'est Vanessa Paradis. Ah, mais oui, mais elle a les dents du bonheur, c'est pour ça. Ouais, c'est plus des dents du. C'est les portes du bonheur, elle. C'est carrément une ouverture. Hein. Et tu rentres dans sa bouche, ni vu ni connu, tu touches rien. Hop, en même temps, a priori, il n'y a rien de. Enfin, il n'y a aucune raison pour rentrer dans sa bouche, quoi, tu vois. Parce... Oh, demande ça à Johnny, je suis pas sûr qu'il y en a pas de. C'est peut-être pour ça qu'il est resté avec elle. Ouais, ça devait être cool, t'imagines ? Ça doit être une expérience. Excusez-moi, ça vous tente ça le truc de Vanessa Paradis, ça me dégoûte. Moi perso non, parce que je n'ai rien à mettre dans sa bouche, mais alors vous, je ne sais pas. Tu peux faire des gâteries sans ouvrir la bouche. Oh non, allez, c'est bon. Voilà, je savais que ça allait déraper, laisse tomber. Non, mais elle est quand même gentille. Alors elle a des dents pourries, mais elle est gentille parce que Johnny Depp, il est en pleine tourmente, là, en plein divorce machin, il a été isolé, excusez-moi. Ah oui, avec comment elle s'appelle la meuf, Amber Heard, genre la mannequin, mais elle lui a mis bien dans les fesses elle, parce que genre dans le divorce, j'ai entendu qu'elle l'attaquait même pas, elle demande pas d'argent, rien, puis elle a dit qu'il c'est vanne. Ouais, enfin c'est le bordel quoi. Oui, leur truc. Mais Johnny Depp, il était pas bien, donc il a été se ressourcer dans son île aux Caraïbes. Tranquille. Oui, Johnny Depp a une île. C'est-à-dire que quand nous on est déprimé, bah on mange un pot de glace, et bah lui il va aux Caraïbes, quoi, normal. On arrête de bus et tu regardes les bus passer, donc lui il a une île aux Caraïbes. Et Vanessa Paradis, elle a tout quitté pour aller le soutenir et l'aider. Moi je sens la réconciliation. Et bah attends, on dirait un peu Kéké du Standard. C'est-à-dire que le Kéké du Standard, il s'est fait larguer comme une merde, il a été à la nif de son ex. Il lui a offert même le gâteau, et puis là, pareil en fait. Vanessa Paradis, elle se fait larguer, mais elle va quand même le consoler parce qu'il vient de se séparer avec son ex. Ça, c'est quand même très très bizarre comme concept. Hein. Pour revenir, pardon, pour l'histoire de Kevin, est-ce qu'on peut en parler pendant l'émission? Parce que j'ai reçu plein de messages pour savoir l'histoire au final. Ah, bah, c'est-à-dire que. Ah, bah, vous savez quoi, je vous explique après. Parce que franchement, ça mérite d'avoir carrément toute une émission sur cette histoire Kéké qui s'est fait larguer en direct sur Instagram par son ex. Il l'a appris comme ça. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque on l'avait appelé dans l'émission sa meuf. On l'avait un peu secoué. C'est-à-dire que. Je lui ai fait un peu la morale parce que ça se fait pas ce qu'elle a fait, mais le kéké du Standard n'a rien compris, il a pas retenu la leçon, il a fait un truc encore bien pire. Vous savez quoi, je vous l'expliquerai juste après son maintenant de Calvin Harris et Rihanna sur Fun Radio. Écoutez, ça s'est passé ce matin chez Evan et la Tribu. Alors 100€ ce matin à rafler dans la boîte, un virement qui tombera directement sur votre compte en banque si vous trouvez ce qu'il y a dans la boîte de Sœur Khalid du jambon. Guillaume, quelle est ta proposition pour 100€ J'avais pensé à une boisson que je bois très souvent, c'est une banane. Sœur Khalid du jambon, est-ce que c'est cet objet qu'il y a dans la boîte ? Guillaume, c'est la bonne réponse ! Ouais ! Evan et la tribu, demain, 6h-9h sur Fun Radio. Quick ! Oh, tu sais ce qu'il y a de nouveau chez Quick ? Non. Un indice, ils sont bons et bien roulés. Déroulés. Ouais, enfin on dit des wraps. Ah oui, des wraps. Alors, il y en a un grand, poulet pané et cheddar sauce Giant. Ah, Giant comme le burger ? Oui. Oh. Et un petit wrap sauce tomato sweet onion. On peut prendre les deux ? Gourmande. Quick, le goût d'en faire plus. Quick ! Un bon plan ? C'est ne pas devoir choisir entre un nouveau smartphone et faire du shopping. Oh, un nouveau smartphone ? Ah oui, ça sonne bien ça. Et une nouvelle robe ? Ça sonne bien aussi. Sinon, m'offrir les deux, je peux ? C'est possible. Jusqu'au 15 août, le Huawei P8 Lite est à seulement 29€ avec Dauphin 25 smartphones dans votre shop Orange. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange.

babe. This is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Sur Fun Radio, on est en mode Happy Hour jusqu'à 20h. Moi, c'est Audrey. Il y a Fab qui est là. Bon. Sandro aussi. Bonjour. Le kéké du standard, Alison. Toute l'équipe de Fun Radio est en direct du club Bellambra de Seignos, ici dans le sud de la France. C'est juste énorme. On a embarqué des auditeurs avec nous. Et donc là, voilà, on profite un petit peu du soleil. C'est vrai qu'on vous a un petit peu abandonné, mais on pense très fort mais à non, vous. Mais non, on est là. Et ouais, d'ailleurs, moi, on j'ai a. Aucun regret personnellement. Mais enfin, Fab. Il y a une piscine, il y a des cocktails, il y a des meufs en maillot, il y a du soleil. Mais moi, je. Il y a des quoi, tu dis? Il y a des meufs en maillot. Il y a des meufs en maillot. Ah, on vient de recevoir un message de Julie, ta copine. Tu es célibataire maintenant. Tu sais que quand même t'es casée, tu peux pas dire. Tu sais que ça peut être un motif de divorce. Hein, ça, ta meuf, elle peut péter un câble. C'est vrai. Je te jure que moi, mon mec dit un truc pareil à la radio. La vache, je vais rentrer dedans. Oui, mais ça veut pas dire que tu fais des choses qui sont pas bien. Oh là là là, il faut toujours se méfier, monsieur. Connaissant le Fab. Ouais. Et c'est plus agréable des meufs en maillot que des mecs en maillot. Ça, c'est vrai. Voilà. Non, ça dépend de quel angle tu. Non, c'est plutôt sympa aussi. Il est monsieur en maillot. En plus ici, et je parle là aux auditrices qui écoutent l'émission. Il y a genre comme dans Alerte à Malibu, vous savez, genre, oui, on les a vus. On a croisé tout à l'heure des sauveteurs, mais avec le maillot rouge. Oui, mais il y avait aussi la fille, hein. Il y avait la version Pamela Anderson. Ouais, il me dit tout à l'heure, il me dit les gens ici sont photoshopés, c'est pas possible. Ah ouais. Ils ont des corps, mais comment ils font, quoi, quand je te regarde. Ils font du sport et ils arrêtent de bouffer des crack, quoi. Parce que Fab nous a quand même dit, ouais, non, mais maintenant vous savez, parce que sur la route, hein, parce qu'on a quand même eu près de 12 heures de route, il dit, ouais, mais maintenant je suis à la diète, je déconne plus, je mange des légumes. La diète, ouais, je sais, c'est un mot qu'on connaît pas bien dans l'équipe, mais voilà, en gros, il fait régime. Et puis le mec, en arrivant, sérieusement, il s'est fait une assiette, mais j'ai jamais vu ça, quoi, parce que c'est des buffets ici, mais qui sont monstrueux avec des trucs, mais qui sont tentants à fond. C'est le petit déj. Mais tu t'es fait un petit kiff quand même, donc t'es pas tout à fait en diète. Ouais, hein, mais ceci, c'est du bacon. Ouais, ça, c'est bien, ça. Mmh. Hein, mon petit Fab. Bon, tout à l'heure, on vous a dit que vous alliez pouvoir repartir avec une enceinte qui va dans l'eau. En gros, c'est ça qui est cool, c'est que vous allez pouvoir écouter de la musique, même genre à la piscine si vous partez en vacances. Ou à la mer aussi, ça fonctionne. Vous pouvez mettre la musique que vous voulez. C'est un super beau cadeau qu'on vous offre grâce à Mediamarkt Rue Neuve. Pour ça, il fallait essayer de redeviner la comptine, en fait. C'est une petite musique qu'on chantait quand on était enfant. On a fait ça sous l'eau, à la piscine du club Bellambra. Donc, c'est lui qui a une idée. Il envoie Summer par SMS au 6322 avec la bonne réponse. On sent qu'à la fin, en fait, et c'est le crash, hein. C'est la galère. Ouais, sans trucage, c'est ça le problème. Heureusement, t'imagines, s'il y avait eu un trucage, ce serait vraiment mauvais. Bon, on a Luc qui est là. Salut Luc, comment ça va? Luc! À mon avis, je pense que le réalisateur qu'on a à Bruxelles, il a mis des moufles, tu vois, sur ses mains. J'arrivais pas à appuyer sur les boutons. C'est à la ligne 2, Francis. Ouais. C'est à la ligne Allez, 2. Francis, appuie sur le bouton ici une fois qu'on soit connecté avec Luc. Bonjour Luc, comment ça va bien? Allô? Ah, mais voilà, mais on est connecté, magnifique. Enfin, ça va, Luc? Ça va et vous? Ah, bah ouais, et t'as une grosse voix, Luc, impressionnant. Dans une cave, ça se passe. Luc, tu viens d'où? De Bruxelles. De Bruxelles. Alors, Luc, on est à la recherche d'une comptine depuis tout à l'heure. Si t'arrives à me choper la bonne réponse, je te file un hurol. Alors, à ton avis, c'est quelle comptine que j'essaie de chanter dans la piscine? Moi, j'ai entendu la danse des canards. La danse des canards. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça. Je suis désolée, mon Luc. Non, c'est pas la danse des canards. C'est pas la bonne réponse. Alors, si je dois donner un indice, je te fais des gros bisous, Luc. Hein. Tu peux retenter ta chance. Il y a de l'eau aussi. Voilà. Enfin, je sais pas si c'est un bon indice, mais il y a de l'eau dans cette comptine. Ah oui. Ah, d'accord. Il y a longtemps que je t'aime. Voilà, je peux pas en dire plus. Allez-y, vous envoyez maintenant Summer par SMS au 6322 avec la bonne réponse. On refait un tirage au sort avant la fin de l'émission, c'est promis. Et là, côté son dancefloor, c'est parti. On se fait Cheat Code sur Fun Radio. sex. Avec Carlo Morello. Salut Carlo. Hello Audrey, salut à tous. Il est 18h Audrey. Je ne reviendrai plus ici sur la belle performance des Diables Rouges hier soir face à la Hongrie. Sinon, pour dire qu'une finale de l'Euro 2016 face à l'Italie est peut-être à souhaiter, histoire de permettre à nos joueurs de prendre une éclatante revanche sur la seule équipe qui osait jusqu'ici contester la supériorité de la Belgique dans cette compétition. Mais pour qu'un tel scénario soit possible, il va d'abord falloir que les Italiens éliminent les doubles tenants du titre espagnol. Un match qui a débuté il y a environ une minute. Et là aussi, on peut parler d'une possible revanche, mais pour les Azzurri cette fois, vu que Espagne-Italie, ben, c'était l'affiche de la dernière finale de l'Euro il y a 4 ans. On se souvient que les Italiens s'étaient pris une fameuse déculottée, égale en fait à celle des Hongrois face aux Belges, 4-0. Ma copine espagnole de l'époque me chambre encore parfois avec ce match. Bon, ça c'est donc une rencontre qui vient de débuter avec déjà une demi-occasion pour l'Italie. Et puis à 21h, place à Angleterre et Islande. A priori, il ne doit pas y avoir photo, hein, si ce n'est que les Islandais se sont montrés très séduisants depuis le début de la compétition. Après que les Anglais aient décidé de quitter l'Euro, peu vont-ils quitter l'Euro ? On le saura vers 22h45 ou un petit peu plus tard s'il y a des prolongations, voire des tirs au but. Bon, ben, j'en profite pour parler du Brexit. Nos voisins ont donc choisi d'abandonner le navire européen, mais ils comptent le faire à leur rythme, tranquillement, sans se presser. Le Premier ministre David Cameron a déclaré qu'il laisserait à son successeur le soin de gérer ce dossier. Or, il ne compte démissionner qu'au mois d'octobre. Les autres pays européens, eux, l'ont plutôt mauvaise. Les British ont décidé de faire un sale coup, d'accord, mais alors qu'ils le fassent vite. L'Union s'impatiente et voudrait que la procédure de divorce s'engage sans tarder. La chancelière allemande Angela Merkel doit parler de tout ça aujourd'hui avec le président français François Hollande et le Premier ministre italien Matteo Renzi. Je disais à 17h que Daesh perdait du terrain en Irak, en Syrie et même en Libye. Et les choses ne vont pas s'arranger tout de suite pour nos vilains djihadistes, puisqu'un détachement de 6 F-16 belges a décollé ce matin de la base aérienne de Kleinebrogel en direction du Moyen-Orient dans le cadre de l'opération Desert Falcon et au sein de la coalition internationale qui lutte contre les terroristes de l'État islamique. La contribution belge en Irak et en Syrie sera de maximum 4 sorties par jour, soit 400 heures par mois au plus. Enfin, chez nous, les chiffres relatifs aux résultats du CEB, le certificat d'études de base, viennent de tomber. On apprend que 91% des élèves l'ont réussi. Les détracteurs de ce CEB, et ils sont nombreux, se demanderont sûrement comment 9% des élèves de 6e primaire ont pu le rater, tellement les épreuves en français, en maths et en éveil étaient faciles, paraît-il, et les critères d'exigence trop faibles. Éveil, c'est sciences, histoire et géo. Hein. Bref, le diplôme serait bradé et les élèves mal préparés pour affronter le secondaire. Dans un instant, c'est le son de Face et Afrojack qui arrive sur Fun Radio. Ce sera juste après le programme de la météo. Il va faire comment demain, Carlo? Un petit peu comme aujourd'hui, avec une petite vingtaine de degrés, toujours beaucoup de nuages et l'une ou l'autre petite averse. Voilà, prochain rendez-vous info dans une heure. Je vous laisse avec Audrey et le son de Face et Afrojack. Salut. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Restez connectés avec Fun Radio toute la journée. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Fun Radio. Suivez Fun Radio. Le son Dance Floor. Fun. Si Rémi avait fait appel à l'Happy Hour, il lui aurait sûrement trouvé une famille. En cas de problème, un seul numéro, celui de l'Happy Hour avec Audrey. 17h-20h sur Fun Radio. See the look in your face, telling me a story. You don't have to be alone. I love to see you smiling. Why you try to hide it? Don't you know you've got it all? I know when you're gone. Do you think can you live like you want? I know when you're gone. You're just looking for a little sign of love. I said, hey, would you come with me? I said, hey, hey, hey. Would you stay with me? I say, hey, hey, hey, hey. I said, hey, would you come with me? I say, hey, hey, hey, hey, hey. Would you stay with me? I say, hey, hey, hey, hey. soirée sur Fun Radio. La suite avec Benny Benassi, ça se passe, c'est Chris Brown. On va se faire un petit loup midi juste avant avec Dance sur Fun Radio. Et avant ça, c'est parti, c'est l'horoscope. Alors, on va vous dire aujourd'hui quelle est votre pire mauvaise habitude. C'est parti les béliers. Alors, en cas de colère, vous devenez hystérique et jetez tout ce qui vous passe par la main. Sauf si vous êtes Jamel, il n'y a pas grand chose qui vous passe par la main. Taureau. Vous ne pouvez pas vous empêcher de piquer la nourriture des autres. Après, il ne faudra pas vous étonner si vous rentrez plus dans vos jeans. Gémeaux. Votre pire défaut est un peu comme une chanson de Céline Dion. Au plus vous parlez, au plus on est saoulé. Les cancers. Vous avez une tendance à vous attacher un peu comme un chewing-gum, au fait, sur lequel on marche. Il faut quelques secondes pour vous attraper, mais une éternité pour se débarrasser de vous. Les lions. Vous passez votre temps à chercher l'attention tout autour de vous. Vous voulez absolument vous faire remarquer, un peu comme Nabila quand elle se trompe entre le pain et son petit copain. Vierge. Vous voulez trop de choses en même temps, un peu comme une femme qui veut le droit de vote, son permis de conduire, un compte en banque, rien qu'à elle, blablabla. Les balances. Vous êtes un peu comme le cholestérol, vous détruisez le cœur des gens autour de vous. C'est non. Les scorpions. Vous êtes comme un agent secret, vous passez votre temps à espionner les autres, vous les traquez sans arrêt, un peu comme le dépeceur de monstres au fait. Sagittaire. Alors vous êtes comme Maggie. Vous vous retrouvez toujours dans des problèmes sans le faire exprès. Capricorne. Vos dents rayent le parquet. Vous êtes plus ambitieux qu'une jeune fille qui passe sous le bureau du patron pour avoir une promotion. Elle est Verseau. Vous êtes comme Justin Bieber. Vous faites des choses bizarres que vous seul comprenez. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle fait de bizarre Justin Bieber. Ouais. Bah, toute sa vie est bizarre. C'est coupé, ouais. C'est tatouage. Oh, allez, chansons. Ça va. T'es aigri, c'est tout. Tu l'aimes pas. Je te sens pas, Justin Bieber. C'est cool ce qu'il fait. Ouais, toi, tu le défends parce qu'il a une batte de baseball dans le pantalon. C'est ça, quoi. Allez, on termine avec les poissons. Vous passez votre temps à imaginer des choses qui n'existent pas, comme Oscar Pistorius qui expliquait au juge: mais monsieur, c'est elle qui a commencé, elle m'a marché sur le pied. Oh non. Allez, on va se faire le son de Louis D maintenant sur Fun Radio. Benny Benassi et Chris Brown pour suivre, et juste après on tire quelqu'un au sort qui va peut-être repartir avec son Urol. C'est une enceinte qui va sous l'eau, vous allez pouvoir écouter de la musique même dans la piscine, c'est trop génial. Come on and dance. Yeah. somebody who loves me. Fun Radio. Fun Radio. I'm here at the end, yeah. If I could go back to the start, I'd do it again, yeah. I'd live like never before. Là sur Fun Radio avec dans un instant le son de Kungs qu'on vous a calé, c'est This Girl. Kungs qui était notre invité d'ailleurs, il était venu chez Fun Radio, c'était juste un amour. Il y a les vidéos, les photos à retrouver sur funradio.be lorsqu'il était venu dans la Piawar. Il y aura aussi Maître Gims avec Ma Beauté, c'est son tout nouveau son qui arrive. Ouais, ouais, dans un instant, beauté, ouais, je sais pas quoi, ça arrivera dans quelques belle, petites hein. minutes. Et de quoi t'es plutôt belle, hein, Ma Beauté, ça va quoi. Non, déjà, tu dis t'es plutôt bonne, hein, vas-y. C'est vrai, je crois que vous aimiez pas ça. Il y a du matos, hein. Ça c'est horrible quand les mecs disent ça, ce genre. Il y a du matos. Et il est beau ton châssis, hein. Ah non. On vous dit ça, moi, Charleroi ? Ouais, je sais, franchement, à Charleroi, il y a déjà des trucs du genre, tu vois. Moi, j'ai entendu, elles sont bien tes jambes, elles ouvrent à quelle heure ? Oh non ! Mais ça, c'est le pire truc, quoi. J'ai toujours dans l'exagération. Bah oui, mais c'est ça. Bon, on va faire sonner chez quelqu'un maintenant qui bah peut-être trouver la bonne réponse, du coup, pour essayer de repartir avec son Urol. Un Urol, c'est quoi ? Eh ben, c'est une enceinte Logitech qui permet d'écouter de la musique sous. Genre, c'est la grande classe, non ? Ah ouais, ça, ça le fait. Surtout pour les vacances, c'est cool comme truc à faire. Surtout que quand t'es à la plage, tu risques toujours de le mouillé ou pas, et là tu t'en fous. Ah ouais, tu là vas, t'en as rien à foutre. Tu vas dans la mer. Bon, par contre, pour avant de repartir avec le cadeau, il faut me donner la bonne réponse. On est à la recherche d'une comptine. Un truc qu'on a chanté sous l'eau ici au club Ballon, parce qu'on est en direct. Ah, attendez, allô, bonjour. Bonjour. Ah, comment tu t'appelles? Aurélie. Aurélie, tu as quel âge? Kefta, s'il te plaît. Bon, 20. Tu as quel âge? Tu viens d'où, Aurélie? J'ai 22 ans et j'habite à La Bouissière. Et c'est où ça? Près d'Erqueline, voilà, donc rien à voir, Fab, mais bien tenté. Erqueline, c'est près de Liège. Ouais, c'est ça, ouais. Essayé, ouais. À vol d'oiseau. Oui, hein. Bon, alors, Aurélie, on est à la recherche d'une comptine qu'on va réécouter avant que tu files ta réponse. Et juste après, on voit si tu gagnes ton cadeau. C'est parti. Oh mon dieu. Eh ouais. Alors, Aurélie, à ton avis, c'est quelle comptine? À la Claire Fontaine. À la Claire Fontaine. Eh ben, c'est gagné. Ouais. Yes. Trop bien, merci. Bravo Aurélie, tu repars grâce à MediaMarkt rue Neuve avec ton Urol. Tu vas partir en vacances là bientôt? Mais écoute, j'espère. On verra. Ouais. Hey, si pas, si tu fais un délire, hein, tu le tapes dans la baignoire, hein, ça marche aussi. Hein. C'est ça. Non, mais blague à part, rigole pas, je tu fais une ambiance zen. Et tu mets des bougies, tu mets ton Urol et tu écoutes de la musique Peace and Love. Il faut d'avoir le canard. Ah ouais, c'est ça quoi. Ouais, c'est mieux qu'un canard vibrant, ça je peux te le dire. Ouais, ça vibre aussi, en fait. Ah, oui, ça va bien. Aurélie, je te fais des gros bisous en tout cas, félicitations. Bisous, passez une bonne soirée. Merci. Et puis, rassurez-vous, pour tous ceux qui n'ont pas gagné là sur ce coup, on a encore un Urol à vous filer là avant la fin de l'émission, donc si vous voulez essayer de le choper, ah bah, il suffit de rester à l'écoute, voilà, de l'émission jusqu'à 20h. On va sur le son de Kungs maintenant comme promis avec This Girl, et juste après c'est le nouveau Maître Gims, Ma Beauté, sur Fun Radio. Salut Julie, allez viens monte. Salut. Oh, t'as acheté le nouveau TomTom? Ouais, c'est comme si j'avais ma route privée pour aller au travail. Ah oui, mais ça fait quoi? Eh ben ça fait où je m'étais pas sentie comme ça depuis les années 90. TomTom, prenez goût à la conduite prioritaire. Roulez malin et découvrez le sentiment TomTom chez Vandenborg. Nouveauté, new music, découverte Fun Radio. Avec l'ING Lion Account gratuit, imaginez vos vacances avec 2500 euros en plus. De quoi passer de... On va se faire un bed and breakfast. Ah ? On va se faire un bed and breakfast, un bateau, un bain, un bulle, une boutique, un barbecue. Ouvrez votre compte à vue ING gratuit avant le 2 août et tentez de gagner 2500 euros en chèque voyage. Infos et conditions de l'ING Lion Account et de la Tombola sur ing.be. Fun Radio. Fun Radio. Como tú te llamas, yo no sé. De dónde llegaste, ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. Como tú te llamas, yo no sé. Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita. Mirando una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita. Ven dale ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí. No importa idioma ni el país, ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti. Una noche de aventura hay que vivir. Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle. Rumbiando y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Lo único que sé que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. Yo pendiente a ti como bailas así con ese movimiento minuto. Me voy acercando hacia ti y te digo suave el oído. Escúchame mami, yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro y tú me dices estás muy loco. Deja eso mami, yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro. Me muero por llevarte. Como tú te amas, yo no sé. Pregunté, lo único.

ça, ma beauté repose sur toi. J'ai les épaules pour ça. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout maintenant tu m'abandonnes, je l'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Je mérité dans les rues, je vagabonde. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. T'as tout gâché, dans les rues elle t'abandonne. Et dans la rue elle t'abandonne. C'était le nouveau Maître Gims sur Fun Radio, ma beauté. Et ça, c'est Maten qui va arriver avec Café Del Mar. Il y aura aussi DJ Snake avec Talk. C'est le tout nouveau qui arrive sur Fun Radio. Et on a eu la visite d'une auditrice là, en fait, parce qu'on est en direct du club Bellambra de Seignos, en fait. Et c'est un truc de malade ce qui nous arrive, parce qu'en gros, en fait, on a embarqué des auditeurs avec nous. Bon, ça, on était prévenus, c'est-à-dire qu'on a fait la route ensemble et tout, on est arrivé au club, ça c'est cool. Et puis, à un moment donné, il y a une auditrice, mais genre, il y a une jeune fille qui vient à la piscine et qui fait: Ah, Audrey, ça va? Oui, bonjour, qui êtes-vous? Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Et en fait, le truc de dingue, c'est qu'on avait offert des séjours Bellambra. Vous vous souvenez, on vous avait permis de gagner 1000 euros, voilà, de vacances dans les clubs Bellambra. Et ben en fait, et ben Mélanie qui est venue nous faire un petit coucou, en fait elle a choisi de venir la même semaine que nous dans le même club Bellambra que nous, quoi. Elle l'a pas fait exprès, c'est un truc de fou. Ça va Mélanie? Ouais, ça va super, et vous? Ah bah ouais, tu viens d'arriver ce matin, c'est ça? Ouais, c'est ça, vers midi. Et alors, c'est cool ou pas, comment c'est le club? Ah, c'est top, franchement. Ouais. Posé, tranquille. On a la belle vie, hein. Elle est venue, t'es venue en vacances avec qui? Avec ma maman et ma petite sœur. Oh, c'est mignon, tout plein. Et vous avez fait quoi aujourd'hui? C'était quoi le programme de la journée? Transat, piscine, et nous mater pendant que nous on était dans la piscine. Ouais, c'est parce qu'en fait Mélanie est venue, elle m'a dit: En fait, j'ai entendu Fun Radio et j'ai repéré directement le corps de rêve de Fab. Et je me suis dit: Ah, bah oui, ils sont là. Elle m'a vu, j'ai vu moi quelqu'un qui m'a vu sortir de l'eau, qui m'a regardé. Ouais, mais c'est pas une vraie histoire, donc t'emballes pas. Si, même si c'était une vraie histoire, Mélanie, tu peux le dire enfin. Et j'ai tout de suite dit: Tiens, il y a quelque chose, elle a reconnu ton rire après parce que on c'est on surtout pas. Le petit rire un peu de fifi comme ça de Sandro. Ah, merci Mélanie. Ça c'est fait quoi. On va pas s'entendre, hein, Mélanie. Le petit rire particulier. Ah bah écoute, Mélanie, comme tu nous écoutes tous les jours là sur Fun Radio, t'écoutes l'émission, maintenant que tu nous vois en vrai. Alors, déçu, hein. Non, attends, justement. Non, juste de toi, Sandro. Non, je voudrais avoir la vie féminine des garçons de l'équipe. Alors, Mélanie, on va commencer par Fab. Comment est-ce que tu trouves notre Fab? Alors, il est pas mal. Non, franchement. Non, alors, je traduis parce que Fab s'emballe, mais quand une fille te dit tu es pas mal, c'est que peut passer. Non, c'est quand vous dites il est gentil. C'est pas mon âge, quoi. C'est non, pas... alors, quand on dit il est gentil, c'est que t'es un peu con, mais bon, que ça passe, quoi. Tu vois, c'est un pas. Peu. Non, il faut vraiment il est essayer. Gentil, quoi. Voilà. Oh non. Elle a dit le truc qu'il fallait pas dire, Fab. C'est non, comme... mais non. Non, mais après, moi, je serai dans un coin occupé à pleurer si vous me cherchez. Bah, de toute façon, tu peux commencer à pleurer puisque c'est toujours 0-0 pour l'Italie-Espagne, c'est ça? Ok, oh, je pleurerai deux fois alors. Pas le moindre petit but, mon petit Fab. Oh là là là là. Ça va se terminer en tir au but cette histoire, et ouais. Bon, alors, Mélanie, par exemple, Sandro, que tu as entendu à la piscine, tu le trouves comment? Bah, ça va aussi, tranquille, ouais. Ouais, et alors, enfin, ça va aussi, c'est tout parce que. Toi, t'es pas difficile, tu prends tout le monde. Je prends pas tout le monde, non. Alors, on est des beaux gosses. Lequel tu préfères? Parce qu'on a kické du standard aussi. Alors, par exemple, lequel tu préfères? Si tu dois faire un choix dans les trois, à ton avis, c'est lequel? Oh non, fuck, attends, il y a l'Italie qui vient de marquer. Oh non, ça va pas du tout, ça. Non. Il y a Justine du Morning qui est rentrée dans le studio d'un coup et qui a fait: Ok, les Italiens ont marqué. Super. Allez, voilà. Casse-toi. Non, je ne parle plus. Je suis désolée, je fais grève. C'est pas grave, continue. Comment ils sont les mecs? Ils sont sexy, les Italiens, ils ont marqué. Eh ben, rien que par principe, Mélanie, je suis sûre que tu trouves que Sandro est vachement plus sexy que Fab. Hein, Mélanie? Dis oui. Dis oui. Mélanie, il joue le jeu, bordel. Oui. Ouais. Voilà, magnifique. C'est une fille bien, elle n'aime pas mentir, vous la forcez. Ouais. Mélanie, tu penses qu'il pourrait se passer quelque chose avec les garçons de l'équipe? Est-ce que t'es célibataire, Mélanie? J'adore les questions. Oh, Mélanie est célibataire. Attention. C'est bien, moi je suis en couple, Kevin n'est plus en couple. Bah, ah, voilà. le kéké du standard est célibataire. Il est plutôt bien fourni. Enfin, ouais. Il est plutôt sympa. En muscle. Hein. Alors, en muscle, déjà, c'est déjà pas mal. Comment tu trouves le kéké du standard? J'aime pas les poils. Ah ah, bim, bam, boum, bam, boum. Et ben voilà, kéké, c'est sur ça. Sur ce magnifique petit compliment de Mélanie. Tu vas écraser. Tu vas pouvoir aller pleurer plus loin, d'accord, mon kéké? Ouais, ouais, bon bah voilà. Mélanie, allez. En tout cas, et merci d'être venue nous faire un petit coucou. Merci, on passe la semaine vous. Ensemble, hein. On va se boire des cocktails et tout machin. Ça va, tranquille. Ça va. Bon, allez, on va se faire le son maintenant de Matène sur Fun Radio avec Café Del Mar. Il y aura aussi DJ Snake. Et puis il y a le coup de pouce. Si vous êtes à la recherche d'un taf, et bah restez bien branchés sur Fun Radio parce qu'on aura un truc à vous proposer. Restez là. Fun Radio. Fun. Salut, c'est DJ Snake sur Fun Radio. Tous vos tubes préférés commencent sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Much more to lose. Pendant tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, moi c'est Audrey, il y a Fab qui est là, Sandro aussi, le kéké du standard, et il y en a un autre qui se tape l'incruste, c'est Justin Timberlake, encore que ça nous fait plaisir. Allez, il arrive, juste après le coup de pouce. Si la petite maison dans la prairie avait appelé la Happy Hour pour le coup de pouce, ils auraient pu revendre leur maison à un bon prix et acheter un bel appartement en plein centre-ville. Mais bon, comme ils l'ont pas fait, ils continueront à habiter dans les champs. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. L'Happy Hour avec Audrey. 17h-20h sur Fun Radio. Et ouais, on est en plein coup de pouce là dans l'émission. On essaye de vous aider comme on peut. Dès que vous avez un problème, vous venez sur la page de l'émission Happy Hour avec Audrey. Vous nous envoyez un petit message et nous on s'occupe de tout. On a Djibril qui est là, qui a du taf à vous proposer. Djibril, salut. Mais là, ça le y est, je le savais. Je me demandais sincèrement de qui la vanne allait venir en premier. Ouais, pour une fois, je suis fière de toi, Fab. Merci. Salut Djibril, ça va? Oui, salut, ça va, très bien. Bah ça va bien, et toi? Bon alors, Djibril, alors, si t'es là, bah, arrête un peu. Djibril, si t'es là, c'est parce que t'as du boulot à proposer à nos auditeurs, c'est ça? Oui, on a un poste de vendeur. Un poste de vendeur. Ouais, pas d'armentière, à l'Élysée. Ouais. Et voilà, il faut être un peu polyvalent, être friand, un peu avenant avec les clients, et puis c'est bon pour nous, quoi. Et c'est pour quel courageux. C'est pour quelle région, Djibril? Dis pas, vas-y, la dire. Djibril, remets-moi une pinch. C'est dans quelle, c'est pour travailler dans quelle région? C'est près d'Armentières, hein, l'Élysée. D'accord. C'est pas d'une île de l'île, hein. Ouais. Et c'est pourquoi, s'il y a un contrat à la clé ou comment ça se passe? En fait, on prend les gens en CDD au départ, et ensuite, si on fait l'affaire, on peut pas se passer de lui. Ouais, ceux qui vendent bien, après, ils chopent le contrat. Bah, tu m'étonnes. Eh, c'est ça le but, hein, c'est une récompense aussi d'avoir son contrat. Et bah, Djibril, le message, il est passé. Si vous êtes intéressé par l'offre là, de Djibril de l'autre côté de la radio, vous envoyez job par SMS au 3044. Donc, on rappelle qu'on cherche un vendeur pour travailler dans la région de... C'était quoi? Égozé, si voilà. Compris. Et du coup, c'est pour un contrat à la clé. Donc, oui. D'accord, et eh ben le message il est passé, Djibril. On va voir s'il y a des auditeurs qui sont intéressés. Il y a un contrat à la clé, il faut juste envoyer job par SMS au 3044 et on vous prend à l'antenne juste après le son de Justin Timberlake sur Fun. Écoutez, ça s'est passé dans la libre antenne sur Fun Radio. Allô, allô. Oui, bonsoir, c'est pour dire que j'arrive à rapporter l'argent que je dois. Pardon? Oui, mais votre mari m'a prêté de l'argent et je l'apporte dans 5 minutes. Écoutez, là, vous faites sûrement erreur, hein. Mais j'arrive, je le dépose, ça va? Pardon? Je l'apporte, je suis là dans 5 minutes, c'est pas grave. Tous les soirs, dès 20h, c'est Libre Antenne avec Vince sur Fun Radio. Fun. Ultraspot.be. Ah, la publicité radio, c'est formidable. Dans la publicité radio, tout est meilleur. Même quand les comédiens font semblant de manger. C'est bon. C'est quoi? Oui, les comédiens ne peuvent pas manger en studio, hein. On ne comprendrait pas ce qu'ils disent. C'est quoi? Bref, la publicité radio, c'est formidable. Alors surfez sur ultraspot.be, votez pour votre spot favori et gagnez de super cadeaux. Ultraspot.be. Votre classement du meilleur de la pub radio. Formidable. Tous les ans, Jeanne part en Inde. Namasté. Pour une retraite méditative. Et Jeanne oublie de jouer au loto. Oh non, mes chakras. Cet été, ne manquez aucune chance de devenir millionnaire. Jouez pour 8 tirages dans un point de vente participant

cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes nowhere to hide when I'm getting you close. When we move. Genre on tape dans les mains mais on s'est pris des coups de soleil. Ça va pas être possible. Il y aura le son de Galantis dans un instant avec No Money, un peu comme dans le portefeuille de Fabien Codal. Il y a plus rien du tout. Non mais et sérieusement, blague à part, je me suis pris de ces coups de soleil là, c'est pas possible quoi. Faut qu'on en parle. Mais une annonce là pour qu'on te mette de la crème ou oh, c'est pas... Ouais, je rêverais de ça sérieusement parce qu'on est en direct du club Bellambra de Seignos avec toute l'équipe de Fun Radio. Il y a l'équipe du matin aussi avec Evan et la tribu qui est là. Mais du coup, on était en pleine confiance cet après-midi. On s'est installé au soleil, on a fait du surf ce matin, c'était génial. Fab n'a pas réussi une seule fois à sortir, comment dire, à même ne fût-ce que de coucher sur la planche de surf. Parce c'est que ça, c'est impossible. Même la base de la base, ça n'a pas bien marché, impossible. Quoi. Impossible. Qui est venu me rejoindre au bout de 10 minutes ? Ouais, mais c'est ouais. Non, moi je m'allonge pas, mais il y a non. Quelqu'un qui est venu me rejoindre au bout de 10 minutes qui m'a fait. Tu sais quoi ? Je vais rester grosse parce que c'est nul. Le j'avoue, j'ai dit ça, mais parce que sérieusement, pour faire du surf, il faut être super sportif, quoi. C'est pas possible. Moi, je peux par exemple prendre des cocktails au bar, ça je fais très bien. Mais alors faire du surf, oh, mais après 10 minutes, j'en pouvais plus. Et par contre, Sandro, il avait la classe. Hein, ouais, je me suis pris une belle vague et après, pas moyen d'en reprendre une. Non, mais c'est bien, au moins, t'as réussi au moins une seule fois. Tu es un peu la fierté de l'équipe. On applaudit Sandro. Merci. Bravo. J'ai joué dans Point Break, voilà. Donc, quel talent. C'est la mèche, ça. C'est la mèche qui fait tout, hein, ça c'est clair. Bon, on a David aussi qui est là avec nous dans la Happy Hour. David qui est intéressé par l'offre d'emploi de Djibril de tout à l'heure. Ça va, David? Oui, bonjour. Ça va bien? Ça se passe la soirée, David? Oui, ça se passe, super. Ben, j'ai entendu parler d'un job, j'étais intéressé. Ouais. Ben non, j'ai pas bien entendu, c'est par rapport à quoi en fait exactement? Ah, j'adore. En fait, tu t'inscris comme ça, ouais, c'est pas grave. En fait, tu dois vendre des pitas. Super. Non, mais David, en fait, en gros, c'est un poste de vendeur, voilà, pour aller bosser à Aiguezé. Ouais, dégueuzé. Voilà, et Kéké du Standard va te dire c'est pour faire quoi exactement? Ouais, en fait, c'est une sorte de White Knight, et donc en gros, tu dois juste vendre et accueillir le client et tout, et faire la caisse et tout. C'est quoi une White Knight? Un poste de vendeur. Un White Knight, c'est un Night Job. C'est un White Knight pour dire quoi? Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est un parcours 2.0, quoi. Ok, c'est sûr. Tu vendras des roses, des DVD. Mais non, mec, ça va. Mais c'est sur le mot anglais pour faire bien. C'est un paquis, quoi. C'est un Night Job, voilà, point barre. Ouais, ça va, David, j'ai bien compris, mais il faut... toi oui, ça m'intéresserait, mais il faut quelque chose à clé ou quoi, déjà? Il faut quoi? Il faut pas du tout, ouais, je crois qu'il y aura du salaire et tout, je pense. Non, c'est un contrat CDD dans un premier temps, et puis si tu conviens, pourquoi pas passer en CDI. Mais d'abord, il propose un CDD. Ok, ça va, pas de problème. C'est cool, ça. Comment je peux. Ouais, et ben, ouais, tu sais ce qu'on va faire, David, puisque tu es intéressé par l'offre de Djibril. Tu raccroches pas et on va te mettre hors antenne avec le boss. D'accord? Comme ça, voilà, en communication avec lui. Comme ça, tu peux essayer d'organiser un rendez-vous et puis tu peux aller le voir et te présenter. D'accord? Ok, c'est nickel. Franchement, merci. On fait comme ça, David. Bah, de rien, tu nous tiens au courant de comment ça s'est passé, d'accord? Ça va, nickel, on fait comme ça. Tu raccroches pas, hein, David. De rien, si vous aussi vous avez besoin d'un coup de pouce de temps en temps, eh ben, venez sur la page de l'émission Happy Hour avec Audrey. Et nous, on s'occupe de tout. Ça peut être n'importe quoi comme problème, un problème de cœur, un problème de boulot. Bref, on est là. On est là pour vous aider, les copains. On va se faire le son de Galantis maintenant. Et puis juste après, eh ben, ça sera le son de. Bah, de quoi? Eh ben, on verra bien. Ce sera la surprise. Si vous venez de vous brancher, il est 19h. On va faire le son de Drake dans un instant. Ce sera juste après l'actu avec Carlo Morello. Salut Carlo. Salut Audrey, salut à tous. Si je vous parle de scrutin, vous allez probablement penser au référendum sur le Brexit jeudi dernier. Mais on a voté en Espagne, pas plus tard qu'hier. Des élections législatives à peine 6 mois après les précédentes, hein, qui n'avaient pas permis à un gouvernement de voir le jour. Hier, c'est très clairement le PP, le parti populaire de droite du Premier ministre sortant, Mariano Rajoy, qui a gagné avec 137 députés contre 123 en décembre. Mais c'est encore loin de lui garantir la majorité absolue, si bien que la formation d'un gouvernement devrait rester difficile. Sinon, contrairement à ce qu'on croyait, le Parti Socialiste reste bien la principale force d'opposition, même s'il poursuit son recul historique. Les populistes de gauche de Podemos ne l'ont donc pas dépassé. Et pour expliquer le succès du PP et l'échec de Podemos, eh bien on a le Brexit, justement. Mariano Rajoy a profité du référendum british pour expliquer aux gens que le populisme était synonyme d'instabilité, que c'était pas le bon moment donc pour les expérimentations. Un argument qui, visiblement, a fait mouche. À propos du Brexit, un sommet européen de deux jours doit débuter demain à Bruxelles. Mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'à cette occasion, le Premier ministre britannique David Cameron entame la procédure de sortie de l'Europe, comme il est censé devoir le faire pour déclencher un processus qui devrait durer deux ans. On sait que Cameron, qui ne compte démissionner qu'en octobre, a déclaré que c'est son successeur qui s'occuperait de ce dossier. Les choses risquent donc de traîner à la grande colère des dirigeants européens qui aimeraient que ça se fasse le plus vite possible puisque ça doit se faire. Mais en croire certains, ils risquent d'attendre très longtemps, même qu'un diplomate européen se dit persuadé que le Royaume-Uni ne déclenchera jamais sa sortie de l'Union. Pour en effet savoir que les autorités britanniques ne sont pas obligées de suivre le résultat du référendum. Quoi qu'il en soit, selon les partenaires européens de M. Cameron, la procédure de sortie devrait être déclenchée d'ici la fin de l'année au plus tard. Aux États-Unis, 10 personnes ont été blessées, dont au moins 2 grièvement, lors d'affrontements entre des néo-nazis et des contre-manifestants. Ça s'est passé à Sacramento, la capitale de la Californie. On ne sait pas trop dans quel camp on compte le plus de blessés, mais ils l'ont été à coups de couteau. Le leader du groupe suprémaciste blanc, qui avait organisé une manif devant le Capitole de la ville, a expliqué que lui et ses potes au crâne rasé avaient été attaqués à coups de couteau, de bouteilles, de briques et de morceaux de béton. Et ça, c'est pas normal, évidemment. En principe, ce sont les fachos qui sont censés utiliser ce genre d'arsenal. Et on termine avec l'Euro 2016 et la suite des huitièmes de finale avec le remake de la finale de la dernière édition en 2012, remake entre l'Italie et l'Espagne. Et un scénario qui semble un petit peu différent de celui qu'on a connu à l'époque, puisqu'à la mi-temps, ce sont les Italiens qui mènent par 1-0. A noter également qu'à 21h, l'Angleterre affrontera la surprenante Islande. Ouais, et c'est toujours 1-0 du coup pour les Italiens. Oh là là. Et ouais, c'est les Italiens qui mènent face aux Espagnols. J'espère que ça va changer quand même. Rien que pour pouvoir un petit peu titiller Fab dans l'équipe parce que lui est pour l'Italie. D'ailleurs, vous êtes pour qui, vous, de l'autre côté de la radio? 30-44 pour vos petits messages. Et pendant ce temps-là, on se fait le son de Drake et surtout le programme de la météo d'abord, Carlo. Demain, une vingtaine de degrés toujours des nuages. Toujours quelques petits risques d'averse. Voilà, tous une excellente soirée. Je vous retrouve demain à midi. Et vous laisse en compagnie d'Audrey et du son de Drake. Salut. Fun. Fun Radio. Retrouvez toutes vos émissions préférées dès maintenant sur Facebook, Twitter et Instagram. Vivez, partagez et communiquez avec vos animateurs préférés toute la journée. Partout, tout le temps. Connectez-vous dès maintenant sur la page officielle de Fun Radio. Et likez les pages de vos émissions préférées pour ne rien rater. Fun Radio, chaque jour plus proche de vous. Fun Radio, le son dance floor. La Vie Hour, 17h-20h sur Fun Radio. Baby, I like it so. On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like it so. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. If you're down, I'll take it slow. make you lose control. Continue sur Fun Radio avec Pep & Rush dans un instant. Merci de passer votre soir avec nous, là ça nous fait plaisir. C'est la Happy Hour jusqu'à 20h avec le son de Nio aussi juste après. Et alors il faut quand même qu'on vous raconte un truc parce qu'on n'est pas en direct de Bruxelles, c'est-à-dire qu'on n'est pas au studio comme d'habitude à Forêt, voilà, près de Forêt Nationale. On est au club Bellambra de Seignos. C'est de la balle, il y a du soleil. On a embarqué des auditeurs qui ont gagné un voyage, ils sont venus avec nous et donc du coup voilà, c'est vrai que nous on prend un petit peu le soleil avec un peu d'avance. On se prend quelques jours de vacances et c'est vrai qu'on n'en a pas pris un seul jour pendant l'année. Non, on donc, est là tout le temps. On a été voilà, là. On continue à bosser mais on s'est dit ok, allez, on fait une petite semaine au soleil, ça nous fera du bien mais on pense quand même toujours très fort à vous. D'ailleurs, on aura du cadeau dans un instant pour vous, mais avant ça, je voudrais quand même qu'on vous explique quelque chose. Il s'est passé un truc. Vraiment, parce que bon, du coup, on dort à plusieurs. C'est-à-dire que les garçons partagent une chambre. Moi, je partage ma chambre avec Alison, la stagiaire. Ben, voilà, c'est et une vous faites des trucs. Et non, on fait pas des trucs. Quoi, pourquoi on fait pas des batailles de polochons en pyjama? Pourquoi est-ce que tu veux qu'on fasse ça? Bah, je sais pas, moi, non, mais... dans ma tête, deux filles dans la même chambre, c'est ça. Mais ça, c'est genre les gros clichés. Faut arrêter, les garçons. Et genre, vous allez pas faire une partie de Cluedo, mais on non? On ne va rien faire du tout. Arrêtez de vous emballer. Vous faites quoi, vous, dans votre chambre le soir? Monopoly. Nous, on pense à ce que vous faites dans la vôtre. Non. Moi, je peux vous dire que dans votre chambre, il se passe des choses très très bizarres. Ah ouais? Des choses surnaturelles, des choses auxquelles jamais on ne pourrait penser, vraiment. Tellement c'est improbable. Je vais vous faire écouter quelque chose. Vous allez me dire, pour tous ceux qui écoutent l'émission de l'autre côté de la radio, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Ça peut être un animal, parce que franchement, ça y ressemble très fort. Ça peut être autre chose aussi. Donc écoutez-moi ça, vous allez voir à quel point c'est horrible. Et dites-moi à votre avis, c'est le son de quoi? 3044 pour vos messages. C'est un sanglier. Alors, ce n'est pas un sanglier, non. Est-ce que vous avez une idée? Et sûr que c'est dans la chambre, parce que moi. C'est dans la chambre, ouais. J'aurais dit un moteur, tu vois. Non, mais ça y ressemble aussi, mais c'est pas ça qui est du standard. Moi, j'ai ma petite idée. Ouais, bah ouais. Tiens, on se demande pourquoi. Bah oui. Bon, c'est dégueulasse. On me dit que c'était un ours par SMS au 3044. Et bah, je pense pas, moi. On y est prêt, mais c'est pas ça quand même. On y est presque, mais c'est pas ça. On réécoute une dernière fois, celui qui trouve, je lui file un pack fun. Écoutez ça. Vous allez savoir ce que c'est. Mais franchement, vous allez dire, mais c'est pas possible quoi. Allez-y, on attend vos petits messages 3044 pour les envoyer. Et pendant ce temps-là, on se met le son de Pep & Rush sur Fun Radio. Away because Vous écoutez Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Much as you blame yourself, you can't be blamed for the way that you feel. Had no example of a love that was even remotely real. How can you understand something that you never had? Oh baby, if you let me, I can help you out with all of that. Passez votre soirée avec nous. Dans un instant, on va se faire le son d'Imani sur Fun Radio. Don't be so shy. Jennifer Lopez aussi, juste après. C'est ce que je vous ai calé côté son dance floor. Elle revient. Ah bah elle est là, la Jennifer Lopez. Hey, ça fait plaisir. Je l'adore, moi, elle. Je la trouve trop canonissime, quoi. Moi, je trouve pas qu'elle soit si canon que ça. Pardon. Non, il y a des meufs qui sont beaucoup plus canons. Ah bon, qui par exemple? Et toi, Audrey. Qui Faut cul, toi, peut-être, t'auras pas d'augmentation, tu sais. Ah merde. Par exemple. Toi? Non, bah ça va, bien essayé. Bon, sinon les gars, si vous venez de vous brancher sur Fun Radio, on vous a expliqué ce qui nous est arrivé hier. Parce qu'on est en direct du club Bellambra de Seignos, c'est dans le sud de la France, c'est près de Biarritz. Voilà, vite fait pour ceux qui voient pas très bien. Et donc, on partage des chambres parce que voilà, on est à plusieurs dedans. Et il s'est passé quelque chose hier soir, mais d'improbable. Je vais vous faire réécouter quelque chose et à votre avis, dites-moi ce que c'est. 3044 pour vos messages. Alors, on me dit au 34. 44, c'est un ours. C'est un ours. C'est Ludovic qui propose ça. Est-ce que c'est un ours? Évidemment non. Mais moi, je vais donner un indice. À mon avis, ça va se reproduire tous les autres soirs aussi de la semaine. C'est bien ça le problème, je pense, pour tous ceux qui sont. Enfin bon, bref, on va vous dire après ce que c'est. Vous allez comprendre. On me dit c'est un buffle en tute après un match des Belges. Ça aurait pu, ouais, pourquoi pas. C'est pas un rhinocéros. C'est pas un rhinocéros. Mais non, sérieusement, okay. Ça aurait pu être une bête féroce. Mais un truc, mais inimaginable, quoi. On a un auditeur qui est là. Bonjour, c'est quoi ton petit nom? Laurent. Laurent, t'as quel âge, tu viens d'où? 32 ans, de pâturage. De pâturage, une fois. Oui. Bon, Laurent, à ton avis, qu'est-ce qui nous est arrivé encore comme mésaventure hier? Je crains que ce soit les ronflements de Sandro. Les ronflements déjà, qui te de permet, Sandro hein, s'il te plaît. Eh ben, tu sais quoi, Laurent, t'y étais presque. Parce que ce n'est pas les ronflements de Sandro, mais ce sont les ronflements de Fab. Probable, ce gars ronfle comme un ours. C'est pas possible. Et c'est une catastrophe. Parce que le problème, c'est que Fab partage sa chambre avec Kéké du Standard. Ouais, malheureusement. Et le Kéké du Standard a des poches sous les yeux qui tombent jusque par terre tellement il dort pas. C'est que tu m'as enregistré cette nuit comme ça. Ah ouais, ouais. Aux yeux de la Belgique. Eh bah ouais, c'est ça l'amitié. Et ouais. Et bah, Laurent, tu sais quoi, je te file quand même ton pack fun. D'accord? Tu étais presque. Je te fais des gros bisous, mon Laurent. Et arrête de m'accuser. Merci, bonnes vacances. Et, attends, eh ben merci. Ah non, on bosse. On est, de quoi tu parles, hein. Laurent? On met les deux en route. Vacances. Voilà, ouais, t'as bien raison. Eh, Laurent, tu regardes pas le match, toi? Ben non, je suis dans la voiture, pas de chance. Ah ouais, c'est vrai que c'est compliqué de mater la télé même temps. Hein. On s'en fout, on va pas le perdre. Et c'est toujours 1-0 pour les Italiens face aux Espagnols, ce qui m'attriste le plus au monde. Voilà, ça ne va pas aller. Voilà, vous êtes bien triste. Ouais, bah oui, Laurent, tu n'imagines même pas à quel point. Je te fais des gros bisous, Laurent, fais attention sur la route, d'accord? Ok, merci. Salut, bisous, bisous. On va se faire descendre du Mali maintenant. Côté son Dance Floor avec Don't Be So Shy. Il y aura Jennifer Lopez comme promis. Elle est de retour et elle a choisi Fun Radio pour son nouveau son. Et puis, bah, juste après, on va se faire les people. C'est parti. Écoutez, ça s'est passé ce matin chez Evan et la tribu. Bon, jouez avec nous ce matin. Alors, on a Baïja ou Nadie. Je sais pas quel est le prénom entre les deux. Allô? Allô? Bonjour. C'est quoi ton prénom? Salut. En fait? C'est Baïja ou c'est Nadie? Baïja, Nadie. D'accord, c'est les deux. C'est les deux. Evan et la tribu, demain, 6h-9h sur Fun Radio. Fun, Fun Radio. Fun Radio. Fun. Le son. Dance Floor. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice to sing some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink. But now I'm insecure and I care what people think. My name's blurry faced and I care what you think. My name's blurry faced and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose. Same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take a ladder. My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. And give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at our face, singing, wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time to the good old days.

these curves. Oh yeah, yeah, yeah. Stop getting on my nerves. Oh yeah, yeah, yeah. Avec Ain't Your Mama. On va enchaîner avec Julian Perretta. Ça aussi, c'est une grande découverte Fun Radio avec I Cry. Je vous cale tout ça juste après les People dans la Power. Et paillettes, du glamour et Fab. C'est l'actu People dans la Power. Et quoi, t'es emballé, vieux? De quoi habiller, j'ai un jingle. Fab, c'est moi. Tu veux qu'on fasse un jingle aussi pour ton équipe de football qui va perdre ce soir? Pour le moment, c'est bien parti. Pour gagner. Non, ça me fait vraiment très mal au cœur, les Italiens qui sont toujours en tête du match, c'est-à-dire que c'est 1-0 pour les Italiens, les Espagnols sont à la traite. Personnellement, je ne vois pas d'où te vient cette haine de l'Italie. Je n'ai pas de haine. En fait, pourquoi j'aime beaucoup les Italiens, mais j'ai envie que toi tu sois triste. Voilà. Mais tu ne penses pas aux millions d'Italiens qui nous écoutent? J'y pense très fort, mais comment dire, ça veux pas qu'eux soient heureux? Si, moi, alors ça, j'aimerais très bien. Vraiment, ça me ferait plaisir. Mais par contre, ça me ferait encore plus plaisir quand même que toi tu arrêtes de faire le malin avec ton équipe de l'Italie. En fait, mais c'est je ça. C'est mon plus grand rêve de ce soir, sincèrement, s'il pouvait s'exaucer, que les Espagnols vous fracassent, quoi, par pitié. Mais qui fait le malin? Moi, je fais pas le malin, je reste calme. Il va falloir qu'ils se dépêchent un peu, hein, l'Espagne, parce qu'on a la 72e minute. Hein. C'est une vanne, il reste plus de 20 minutes, enfin 18 minutes. Oh, et c'est bon, j'y crois, moi, j'y crois encore. Ouais, bah. Bon, on se fait les people pendant que ton équipe souffre. Il y en a un autre qui prend encore, c'est Kanye West. Ah, qu'est-ce qu'il a fait, Kanye West? Kanye West, je sais pas dans quel délire il est parti, le mec. Je sais pas ce qu'il prend, je sais pas ce qu'il fume. Apparemment, ça doit être de la bonne. Ouais. Mais il vient de faire un nouveau clip. Alors le gars, il est fou. Ce clip, c'est une référence à la célèbre peinture de Vincent Desiderio qui s'appelle Sleep. Alors la célèbre peinture de toi à moi, j'en avais jamais entendu parler avant le clip. Hein. Ouais. C'est une œuvre qui met en scène des personnes nues endormies l'une à côté de l'autre. Ah, intéressant. Kanye West a fait la même chose, sauf qu'il a pris des people. Donc à côté de lui, il y a Trump, il y a Bill Cosby, il y a Kathleen Jenner, Chris Brown, George Bush. Énorme. Ils sont à Taylor poil. Taylor Swift, même la meuf qui n'arrête pas de tacler, Kim Kardashian et lui-même. À poil? À poil, tous à poil, endormis l'un à côté de l'autre. Mais alors le truc, c'est que il y a certaines personnes qui sont les vrais. Ah, il y a des vrais. Et d'autres, ce sont des sosies. Ah. Mais on voit pas la différence, on sait pas qui est qui. Non. Ah, moi j'ai ma petite idée. Énorme. J'imagine que Trump, il s'est pas vraiment foutu à poil à côté de lui. Ah, ça serait drôle. Ah, ça serait drôle, mais je pense pas, quoi. Et il y a le clip dispo ou quoi? Tu peux le mettre sur la page. Alors, de l'émission. Le clip, il est uniquement dispo sur Tidal, la plateforme de Jay-Z. Eh ben, tu vas sur Tidal et tu la mets sur la page d'émission. Oui. Alors, après, faudra m'expliquer comment on fait parce que je sais pas envoyer de mail. Mais oh, je veux bien faire de mon mieux. Eh ben d'accord, on vous mettra le clip avec tous ces gens à poil, ça va être génial. T'as d'autres infos people ou pas? Oh, j'en ai une petite qui va te faire plaisir. Ah, voilà, merci. À la rentrée, il y a un nouveau chroniqueur qui va rejoindre ton émission préférée. Bon, je sais. Franchement, PPMP. Tu t'es en retard d'une guerre, quoi. Facile, easy game. Qui? Ah, Benjamin Castaldi. Meurs. Alors. Ce soir. Oui. Comment tu sais? Eh ben, j'ai des relations. Le truc qui est tombé cet après-midi. Anouna l'a appelé avant en demandant à Audrey. Il m'a demandé mon avis. Il m'a dit, tu penses vraiment que Benjamin Castaldi? Je pourrais, vas-y. Mais c'est pas juste. Toi, tu kiffes tellement cette émission que tu sais tout avant tout le monde. Ouais. Voilà. Mais c'est pas grave. Merci Fab. Merci pour ces infos. Ok, d'accord. Demain, tu reviens avec d'autres infos, people. Je sais pas. Tu m'as vexé. Je verrai. Mais non, mon petit. Arrête un peu de faire ta fille. Un peu, c'est chiant ça. J'en ai déjà une dans l'équipe qui arrête pas de casser les bonbons, Alison. Quoique, parce que Alison, c'est notre nouvelle stagiaire dans l'émission, et je dois dire quand même un truc, c'est que Alison m'a sauvé la vie cette nuit, les copains. Ah ouais? Ouais, il m'est arrivé quelque chose, mais comment vous dire, j'ai eu la peur de ma vie. Mais la peur de toute ma vie. J'ai jamais eu peur autant que ça. Franchement, je vous expliquerai ce qui s'est passé. Ah, mais passé dans la chambre. Non, je peux vous dire que sincèrement, Alison, elle m'a sauvé ma life. Je vous explique tout ça juste après Julian Peretta. So hard to think about what we could have been. Where love could have taken us. Blame it on the wind and cry, cry, cry. You know why. I'm drowning in an ocean of salt water. Cry, cry, you know why. I'm drowning in an ocean of salt. Ça fait plaisir, on passe la soirée ensemble jusqu'à 20h avec un petit souvenir là, avec Unique. C'est merci sur Fun Radio. Mais de rien. Oh là là, mais sincèrement. À un moment donné, tu dis merci, je te cite rien, moi j'étais bien éduqué. Non, c'était juste chiant. c'est la dernière semaine de l'émission, puisque après on est en vacances. Parce que. Voilà. Mais comment vous dire, je vais être contente de plus avoir des vannes comme ça, quoi. C'est pas possible. Ah mais ça va, c'est bon. Oh, regarde, ça y est. Non, oh, c'est bon. Ça y est, il voilà. Est non, ça va. Pas minou. Pas minou, minou. Non, ça va. Ça allez, va. Tu veux quoi? Une petite lèche, un bisou, qu'est-ce que tu veux? Enfin, si tu proposes une lèche. Moi, j'opte pour la lèche. Non, vas-y, lèche. Ça y est, je savais. Faut être mauvais en vanne pour avoir une petite voilà, lèche. Voilà, une petite lèche. Non, mais je veux. Bah, Fab, c'est carrément, je vais le laver avec ma langue alors. Toi, tu sais comment me parler. Ouais, mais il va rien se passer du tout. Surtout que là, pour le moment, l'Italie continue à gagner son match et je suis très vénère. Sachez-le, je le vis très mal. En plus de ça, regarde, tu fais de la peine à notre kéké national. Kéké du standard qui est pour l'Espagne. Et du coup, maintenant, il est tout déprimé. Bah oui, c'est clair. Oh, attends, c'est quoi minou. Que tu avais écrit sur ton t-shirt? Espagne campeone. Campeone, c'est Espagne. Ça veut dire quoi des... Ils vont en camping? Mais non, c'est Espagne championne. Mais bon. Ah. Mais bon, ce que ouais, mais 1982, c'est écrit. Ouais, mais c'est la dernière Coupe du Monde, hein. Qu'est-ce qu'il y a eu la dernière Coupe du Monde? Oui, alors l'Espagne a un peu violé l'Italie, c'était la dernière Coupe d'Europe. Voilà. S'ils pouvaient les violer à nouveau, ça me ferait plaisir, vraiment, ça me ferait très très plaisir. On est toujours à 1-0 là, ça va. C'est ça, 1-0, et pour ceux que ça intéresse, à 21h, il y a Angleterre, Islande. On s'en fout, on veut juste que l'Italie perde, bordel. Ouais, ouais, vas-y, parce qu'il y a des gens qui veulent rentrer. Tu peux rentrer. C'est pour le score ou pas? Non, non, c'est toujours 1-0. Alors faut partir. Non, je... Bon, alors, oui, parce que je vous ai dit juste avant de passer le son de Julian Peretta, qui m'était arrivé un truc cette nuit dans la chambre, j'ai réveillé Alison, ma petite stagiaire, ma nouvelle stagiaire de l'émission. Je l'ai réveillée à 6h du matin, les gars, vraiment, mais en détresse, en stress total. Parce qu'en fait, j'étais tranquillouche dans mon lit, et puis j'entendais... Mais comme ça, tout le temps. Trop bu, quoi. C'est elle qui faisait encore des trucs bizarres. Non, non. Je me suis dit aussi, elle se tape le front contre la vitre, c'est très bizarre. C'est le genre, hein. Ouais, ça aurait pu, mais c'est pas ça. C'est un autre truc. Et à un moment donné, ça a tellement fait de bruit que ça m'a réveillée. Je me suis levée, je suis allée voir du côté de la fenêtre où ça faisait le bruit. J'ai frappé la stagiaire, tu allais mieux. Là, non, je te jure, j'ai encore la sensation du truc. J'ai vu un énorme insecte. Mais quand je vous dis un énorme insecte, c'est un scarabée local, quoi. Vraiment. Je te le jure, hein, Alison. Ouais, il était très gros. Ah ouais. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais d'abord gérer la situation toute seule. Parce que comme elle dort dans la chambre à côté, je me dis, je vais pas la réveiller. 6h, c'est un peu tôt. Donc je me suis levée, j'y suis allée. Puis il a fait, je fais, ok, c'est bon. J'ai couru dans la chambre d'Alison. Je fais, ok, à 6h du match. Excuse-moi, mais il y a un animal dans ma chambre. Il faudrait que tu viennes le tuer. Mais il venait d'où le truc? Il venait de dehors. Ah, parce que s'il venait de vos culottes, c'est pas un scarabée, c'est un morpion, on appelle ça. Fab, t'es crade, sérieusement. Franchement, je sais que t'as un peu la dalle là pour le moment, mais calme-toi, on va les manger après au buffet. Où est le rapport entre morpion et nourriture? J'espère qu'il n'y en a pas dans le buffet des morpions. Non, ça c'est clair qu'il n'y en a pas. Mais du coup, Alison m'a sauvé la vie cette nuit, les gars, puisque. Et c'était quoi comme animal? C'était un hanneton. Un hanneton, quoi, sérieusement. Ah, parce que tu connais le nom scientifique, mais oui, et tout. Elle me regarde, elle me dit, c'est rien, c'est un hanneton. Et puis elle prend un petit Scotex, tu vois, elle le prend, elle le met dehors. Oh mon dieu, stop, c'est ça la photo? Ouais, ouais, ah voilà. Ça c'est rien. Eh ben tu vois, c'était mais ça. Moi j'en trouve un dans ma chambre, je vais te réveiller à toi aussi. Hein, si tu vois. Sérieusement, si vous voyez pas ce que c'est un hanneton, je vais vous mettre la photo sur la page de l'émission Happy Hour avec Audrey. Alors j'ai pas eu raison d'avoir peur. Franchement, j'aurais changé de chambre à ta place. Tu sais quoi? Ouais, Alison, c'est un peu notre super héros de Fun Radio. Oui. On appelle Alison. Bravo Alison, a gagné le combat face au hanneton qui était dans ma chambre. Et ça c'est beau. Bon, sur ce, voilà, j'ai raconté ma life. Non mais vous avez déjà vu un hanneton ou pas? Oh, c'est un scarabée qui fait du bodybuilding. C'est un scarabée local. Ça fait vraiment vraiment flipper. Si vous voyez pas ce que c'est, allez sur la page de l'émission Happy Hour avec Audrey. On va se faire le son d'Unique maintenant avec Merci sur Fun Radio. Et juste après, il y aura l'horoscope, et restez bien là parce qu'il y a Vince qui se prépare avec toute l'équipe de la Libre Antenne. Ils seront là de 20h à 23h. Mercy, mercy. None of them no move me, move me, move me. Shy guy, I'm the onesie. Only he can make me aye, fire, bang, bang dans le cœur des hommes. J'aime quand tu lis entre mes lignes. Pas que tu touches, mais que tu m'imagines. Je slalom entre toutes tes belles paroles. Je laisse les mythos sur le bas-côté. Pas besoin d'un homme pour exister. Parler, parler, t'as beau parler, parler. Je vois des gestes, pas des mots pour me faire rêver, rêver. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh Lord, have mercy, mercy, mercy. The money, them in a party, party, party. The all of them sexy, sexy, sexy. Watch them just to follow me, follow me, follow me. Have mercy, mercy, mercy. None of them no move me, move me, move me. Shy guy, yeah, me onesie, onesie, onesie. Only he can make me ayavray. Fire, sur tous ces beaux bars-là. Apprends à voir ce que j'ai dans les pupilles. Ce qui te casse tous mes talons aiguilles. Je m'envole, non personne ne m'impressionne. Même si ton regard me déshabille. Même si tu sais viser dans le milieu. Parler, parler, t'as beau parler, parler. Je veux des gestes, pas des mots pour me faire rêver, rêver. Oh, mets de côté ton écho. Essaie de voir sous ma peau. Cette fois, je t'emmènerai dans mon monde. Dans ma lumière, dans ton monde. Si tu sais marcher dans mes pas. Oh Lord, have mercy, mercy, mercy. La suite du son dance floor, c'est avec Cashmere, ça se passe. Wildcard. Je vous ai gagné aussi Dua Lipa. Je ne sais pas si je le dis bien, mais c'est Dua Lipa qui arrive. Ce sera juste après l'horoscope. L'horoscope sur Fun Radio. En même temps, j'ai un espagnol dans l'équipe. Ça doit être un truc espagnol, ce bazar-là. Dua Lipa. Dua Lipa. Ah non, c'est Dijalipa. Non, c'est quoi? C'est ouais, c'est Dua Lipa. Ah, Dua Lipa, mais c'est pas espagnol. C'est parce que c'est un nouveau son Fun Radio. Du coup, on le connaît pas encore bien, mais vous allez le découvrir en même temps que nous, puisque c'est la première fois qu'on passe sur Fun Radio. Bon, allez, juste avant de vous laisser avec ce nouveau son là sur Fun, on va se faire l'horoscope. On va vous dire quel est votre pire habitude. Les Béliers. En cas de colère, vous devenez hystérique et jetez tout ce qui vous passe par la main, sauf si vous êtes Jamel, parce que là, il y a pas grand-chose qui va. Et les Taureaux. Vous pouvez pas vous empêcher de piquer la nourriture des autres. Après, faudra ça pas. Ça va, toi, t'as picolé ou quoi? Non, t'as mis des mots qui sont restés dans la bouche. Attends, mais vous pourrez pas vous empêcher de. Vous pourrez pas vous empêcher de piquer la nourriture des autres. Après, faudra pas vous étonner si vous ne rentrez plus dans votre jeans. Arrête de faire le gabion, ça ne te va pas. Les Gémeaux. Votre pire défaut est un peu comme une chanson de Céline Dion. Au fait, vous parlez tout le temps. Au plus vous parlez, au plus nous on est saoulés. Ouais, un peu comme toi, quoi. Hein, tu nous fatigues aussi. Hein. Je ferai comme si je n'avais rien. Mais on t'aime très fort. Les Cancers. Vous avez une tendance à vous attacher un peu comme un chewing-gum sur lequel on marche. Il faut quelques secondes pour vous attraper, mais une éternité pour se débarrasser de vous. Merci. Hein. Lion. Vous passez votre temps à chercher l'attention tout autour de vous. Vous voulez absolument faire remarquer, un peu comme Nabila quand elle se trompe entre le pain et le petit copain. Vierge. Vous voulez trop de choses en même temps, hein, un peu comme une femme qui veut le droit de vote, son permis de conduire. Dis ça va toi. Blablabla. On veut plein de choses. Tu vas bien te calmer. Les Balances. Vous êtes un peu comme le cholestérol. Vous détruisez le cœur des gens autour de vous. Scorpion. Alors vous êtes carrément comme un agent secret. Vous passez votre temps à espionner les autres, les traquer. C'est, vous êtes un peu le dépeceur de monstres au fait. Sagittaire. Vous êtes MacGyver. Vous vous retrouvez toujours dans les problèmes sans le faire exprès. Les Capricornes. Vos dents rayent le parquet. Vous êtes plus ambitieux qu'une jeune fille qui passe sous le bureau du patron pour avoir une promotion. Coquine. Verseau. Vous êtes comme Justin Bieber. Vous faites des choses bizarres que vous seul comprenez. Et enfin les Poissons. Vous passez votre temps à vous imaginer des choses qui n'existent pas. Un peu comme Oscar Pistorius qui expliquait au juge: mais monsieur, c'est elle qui a commencé, elle a marché sur mon pied. Oh non. Fabeux. Parce qu'il a pas de pied, Pistorius, c'est pour ça, c'est drôle. Non mais là, il faut pas l'expliquer par contre. Oh, ce mec est complètement malade. Excusez-moi. Allez, reprends-toi. Respire. 1, 2, 3. Vas-y, on va se faire le son de Cashmere maintenant avec Wildcard sur Fun Radio. Restez bien là, parce que dans quelques petites minutes, c'est Vince qui débarque en mode libre en tête 20h-23h. Et à 23h, c'est qui vient? Mike. Ah bah, c'est Mike. Bah ouais, Libertad. Restez là. Dans moins de 15 minutes, ce sont des barres de rire et des gros cadeaux avec la libre antenne de Vince dès 20h sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun. Fun. Fun Radio. Le son dance floor. Dance floor. Dance floor. Way before the party, turned up hotel lobby, fast life like a Ducati, spending money like I'm from Saudi, bagging bitches with the bad bodies, semi cooling with the black Barbies, I got brain cause she a smarty, and now I'm feeling like la-di-da-di, hey. Wait a second, wait a minute, I don't think you're ready for it, hey. Party like a pro, baby, I don't got a train for it, oh. Drinking over liquor and I ain't even paying for it. Any minute, we about to send a chorus. The girls wanna play with boys, and the boys wanna play with girls. And the girls wanna play with girls, boys wanna play with boys. Oh boy, don't you love this girl? The girls wanna play with boys, and the boys wanna play with girls. And the girls wanna play with girls, boys wanna play with boys. Oh boy, don't you love this world? Stop and we don't quit. In the club like we the shoe. Two more, legit. Up in this bitch and we so lit. Oh my God, oh my goodness. Feel good cause I'm sipping on good shit. Two drinks, got two fists. Three chicks, got two, four, six cheers. Hey. Wait a second, wait a minute. Take it to the next level. Hey. Turn up the bass, turn up the track treble. Any minute, we about to get in trouble. The girls wanna play with boys, and the boys wanna play with girls. And the girls wanna play with girls, boys wanna play with boys. boys. Oh boy, don't you love this girl? The girls wanna play with boys, and the boys wanna play with girls, and the girls wanna play with girls. Boys wanna play with boys. Oh boy, don't you love this world? C'est le temps de repos dont a besoin votre cerveau tous les jours. Nous, c'est le temps qu'il nous faut pour le retourner dans tous les sens. Bienvenue dans l'Happy Hour, 17h-20h sur Fun Radio. I come around the turn and people stop and stare. I'll make a killing from this change. Snake eyes and sevens, you can feel it in the air. You see your fortune and your fame. Wanna take a spin, wanna take a ride. Découverte Fun Radio. Ouais, et je suis obligée de dire que les Italiens ont gagné. Ouais, ouais, bah ouais, voilà, 2 à 0 Italien. Face aux Espagnols. Et bah, franchement, je vais être déprimée pour toute ma soirée. Ouais. Regarde le kéké du Standard qui est triste. Ouais, on va déprimer ensemble, André, ça va. Grave. Allez, bravo aux Italiens, en tout cas. On va vous laisser avec toute l'équipe de Vince qui débarque en mode libre antenne, 20h-23h, c'est Mike qui prend la relève juste après 23h. Et pour aller jusqu'à 20h, je vous ai calé une nouveauté Fun Radio maintenant, c'est Dua La Lipa sur Fun Radio. À demain, 17h.